Ouais, putain. Juste déjà, t'as déjà senti ton trou de balle se barrer? Non, jamais, arrête. Partir en couille comme jamais, ça. Non, jamais. J'y touche pas. Non, ça, c'est vraiment dangereux, hein, attention. Ouais. Hein. Donc, Tom, en gros, ton point, t'as réussi à. T'avais une gourmette, un truc, que t'avais une montre? Non, j'avais rien sur le poignet ni sur les doigts, j'avais rien. Ouais, t'étais vierge. Mais pour que ça rentre, c'est bizarre quand même. De tout bijou, quoi. Dans les fesses. Et si, ça peut rentrer. Hein, mais sans dilatation, sans rien. En forçant vraiment fort, tu peux rentrer. Mais après, c'est le cul, c'est pas devant, les C'est bizarre de sortir ça. Ouais. C'est bizarre que t'aies eu plus de mal à le sortir qu'à le rentrer, quoi. Pour rentrer, c'est. Ouais. Après, Julien, rentrer, t'as déjà mis une main entière dedans? Bah non, mais jamais. Mais là, j'ai l'impression de ressentir la chose. Ah. Pas bien. Oh, ça va, une main dans le cul. Non, mais ça, c'est pas grave. On dirait qu'on parle d'un. Ça, c'est pas grave. Une main dans le cul, ça va. Tout le monde fait ça. C'est l'organe qui ressort qui est. Ah oui, c'est sûr. Mais ça, si ça lâche, c'est chaud. J'aime du standard. Ouais. Alors, on parlait justement. Fait, ouais. Toi, t'as déjà fisté. Ouais. Le cul. Ouais, parce que devant ça marchait trop bien, donc on a essayé derrière. T'es sorti avec une fille très ouverte, hein, bon. T'as un fist. J'avais pas mis tout le poing. Ouais, t'as pas fisté, parce que c'est à partir des phalanges qu'on peut dire. Ouais, voilà. Mais c'était quand même déjà, j'avais jamais fait avant, quoi. Ouais. Et pas eu de problème, heureusement, parce que là tu paniques. Ah ouais. Si t'arrives ça, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'appelles les pompiers. Tu vois, je viens de fister ma main. J'ai tellement démonté les culs. Ah ouais, c'est clair. T'as pas eu de problème dans le sexe, toi, Julien? Un objet qui rentre, qui sort. Non, plus. Ouais, si j'ai eu un truc. T'as eu quoi? C'est moi qui ai causé un problème. C'est que bon, on était en train de coucher ensemble avec ma copine et je l'ai mordu. Donc, dans sa touche, quoi. Et elle a commencé à. Non, mais en vrai, dans les couloirs de la radio, celle qui parle le plus masculin. C'est un peu ça, là. Même nous, on est choqués. Je l'ai un peu mordu, mais c'est pas bourrine de dire un peu mordu. Et voilà, ça lui a fait super non, mal. C'est la touche. La touche, c'est bourrine, ouais. Attends, tu as mordu. Mais comment tu lui mords la chatte? À quel moment? Je sais pas, on était vite. C'était un cuni. Ouais. Mais c'est un cuni, en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui as mordu? Les lèvres? Non, je sais pas, une dernière qui dépasse normalement. Le pito. Mais mordre, mais tu. Quand je lèche une fille, je mets ma langue, je viens. Si tu mordis. Peut-être que ça a mis un peu de cadeau. Si, peut-être mordiller un peu, tu sais, pour faire pour chatouiller. Si tu fais pas gaffe, ouais, ça peut. Pour titiller. Ça peut faire mal. J'ai mis un coup dedans, je crois. Mais à quel moment vous mordez des chattes? Excusez-moi. Alors, mordiller, mais pourquoi faire? Ouais, doucement, parce que ça change un peu de lécher. Ah ouais. Non, moi, après, je mets ma bite. Hein. Ça change un peu de lécher. Hein. Je t'apporte une solution. Mordiller, c'est un peu nul, non? Si, ça sert à quelque chose. Non, mais je mordillais pas, mais peut-être que j'ai mis un coup dedans qui a été un peu vite. Ah, des gros dents. Flo des cadeaux, il a la tête du mec qui fait un clip en 4 ans. Ouais, la meuf elle s'endort, quoi. C'est comme quand t'embrasses une meuf, ça peut être sympa de lui mordiller un peu la lèvre. Oui, un petit peu, ça c'est vrai. Ouais, c'est pareil. C'est plus facile de mordiller une lèvre qu'un clitoris, quoi. Ah, c'est clair. Non, un clitoris, tu mordis pas. Non, pas le clitoris. Une fille, ça lui fait pas du bien. Non, les lèvres. Je sais déjà, t'as dû mordiller le gland. J'arrête de le faire, non. C'est vrai, il mordit des glands. Non, une fille, pas le gland d'une fille. Non, n'importe quoi. Mordis le trou de balle. Arrête. Ça va pas dire ça. Mais sa langue, il mord avec les dents devant, ça. Encore. Il lui fait la petite rondelle. C'est pas moi. Non, attends. Il lui mange les hémorroïdes. Oh, mais sérieux, comment tu peux penser ça? C'est une question qui arrive par SMS. On l'appelle le perceur. Il y a des questions cheloues. On l'appelle le perceur. Là, on l'appelle le soigneur. Je suis pas soigneur, je suis pas médecin. Je suis pas. On l'appelle le procto. Donc gentil. T'as mis le garde. Le procto. Arrêtez d'en rire aussi. N'importe quoi. Il sert de. Il sert de rien. Il sert de. Il veut la paix. C'est bon. Il sert de décompression. La pince à découper. Les trous de balle trop serrés. C'est dégueulasse. Sans lubrifiant, c'est impossible. Le trou de balle de chien est parti plus vite que ses cheveux. Quoi? C'est ses ancêtres de Walking Dead, son truc. Des mains dans le cul, gros mytho, j'y crois pas, c'est un peu. Alors, mais franchement, si je pense que c'est possible. Toujours lubrifié lors d'un fist. Car je l'ai fait une fois, j'ai eu du mal si j'ai un stagiaire. Arrête, ça va, c'est bon là. Toujours lubrifié, non, c'est vrai que c'est sympa. T'as déjà fisté un cul, toi, Flo des cadeaux? Non, jamais. Le maximum que j'ai mis, c'est 2 doigts, mais c'est tout. Ah ouais, d'accord. 2 doigts? Ouais. Même pas 3 doigts? Non, même pas. Mais par contre, j'ai déjà sodomisé une meuf sans lubrifier du tout. Ah ouais? T'as déjà sodomisé une meuf? Ouais, ça. Sans lubrifier? Oui, ça rentre facile. On est lavé la chiasse ou un truc comme ça. Mais non! Mais ça peut lubrifier le caca. Tu rentres pas dans un cul sans lubrification? Bah non. Bah si, je l'ai fait. Non, au moins avec de la salive? Non, même pas. Non, c'est pas possible. Peu. Si, j'aime bien. Vous sortez avec des. Tu forces un peu plus que d'habitude. Quoi, excusez-moi. C'est quoi le trou de balle de la fille à la base? Tu rentres doucement. Sans lubrification. Ouais. Délicatement le gland. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça lui fait mal à la fille. Pourquoi vous mettez pas des doigts avec de la salive? Tu mets de l'eau. Parce que de toute façon, ton gland il lubrifie déjà un peu. Ah, il y a de la mouille un peu. Il y a un liquide. Ouais, pas toujours. Hein. Si tu, si la cible de garçon. Mais non, mais qu'est-ce que ça vous coûte de la lubrifier pour pas lui faire mal? C'est pour ça que vos filles avaient vos copines n'avaient pas à se faire sodomiser. Là. C'est vrai, excuse-moi. Non, non, elle va très bien. Non, c'est vrai, ouais. T'arrives à, tu sodomises toi sans lubrification? Non, c'est, je l'ai fait une fois. Ah ouais, ouais. Mais pourquoi? Ah, la scène. Bah parce que on était comme ça dans l'action et que on a décidé d'y aller comme ça. Je mets dans le derge direct. Ouais, direct. Mais ça l'a pas fait mal, ça l'a pas arraché le cul. Un petit peu au début, mais après ça va. Putain, la pauvre, elle devait boiter, non? Bah écoute, elle voulait aussi. Hein. Ah non, mais attends. Elle a pleuré, mais c'est une vraie question. Non, mais elle voulait du cul peut-être. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire pleurer une fille pendant qu'elle me suce. Pourquoi? Je l'appuie trop sur la tête. Ah, ouais. Ah bah, tu parles de moi. Non, mais c'est elle qui me demande. Non, mais attention, c'est elle qui me demande. Et après, elle fait. Exactement. Non, mais attends. Pourquoi il fait les. Je sens que je débris. Ce soir, je marche sur. Merci, j'aime bien. Sur les vidéos, tu veux voir le bruit. Ah, bah, le bruiteur, il est là. Sans lumière, ça. On aura un bruiteur de cinéma lundi. J'espère qu'il nous fera le bruit, celui-là. On va lui demander de le refaire, celui-là. Oh là. Putain. Non mais tu sais que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé qu'une fille me demande appuie-moi sur la tête et je lui dis mais t'es en train de pleurer, elle me dit non c'est parce que c'est mon réflexe, ça me fait pleurer mais j'adore et tout. Ah bah ah, oui. Elle mouille des yeux mais bon, c'est vrai, voilà, elle mouille des yeux mais elle aime bien. Ouais, tu pleures naturellement. Ah c'est ça. Mais il y en a qui aiment bien ça vraiment. Merci mon Tom pour ton histoire de fils, ton récit Mickaël 2004. Tu veux faire une dédicace mon Tom? Ouais, ben en fait je voulais juste féliciter toute l'équipe parce que vous faites un putain de travail tous les soirs. Et toi Guillaume aussi à la télé à TPMP, c'est super ce que vous faites. Merci tous. Merci beaucoup. Merci. Et je vous aime beaucoup, ça fait très longtemps que je vous suis et continuez comme ça, on vous aime tous. Ouais, c'est super gentil man. Ouais. Merci, je t'embrasse, écoute. Et plaisir le message. Je te repasse sur les cadeaux, d'accord? Ouais. On va voir ce qu'on peut t'envoyer. Je t'embrasse. Bon. Salut. Guillaume et votre message au 612. Hein, si vous voulez passer avec nous, la Tom de Paris. Demain, on sera là. Hein, 22h, on fera les pervers. Ouais. Le retour des cousines internationales. Guillaume et votre numéro, si vous voulez que je vous appelle demain après-midi pour préparer l'émission, il n'y a pas de problème. À demain, Julia. Salut, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. À demain, j'ai un stagiaire. Salut, Guillaume. Bonne nuit. Bonne nuit, les Guillaume. Ciao. À demain, Gilles Sandard. Bonne nuit, Guillaume. Salut tout le monde. Allez, bien. Gros bisous, les gars. Et je vous laisse avec Mickaël, normalement, qui est arrivé. Oui. Ça va bien. On parlait de choses un peu sales ce soir. Oui, bah j'ai cru comprendre. Voilà. Et je peux te dire que je suis surpris par mon équipe qui font tous des prouesses sexuelles à leur manière. Hein. Ah voilà. Ouais. Non mais j'aime du standard à fister des fesses pour la première fois. Bah, c'est un fister lui toi. C'est un fister. Il flot des cadeaux lui. Il sodomise à sec. Non, mais enfin, ouais. On apprend des trucs incroyables ce soir. Ouais, et putain, dis donc. Julia non, qui c'est mort, dommage, il manque d'off. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait de sale? Non, je sais pas. Je crois qu'il est aux chiottes. Il va arriver là. Ah oui, il est en train de faire un truc sale aussi d'ailleurs. On sait pas. Eh ben, on vous laisse avec vos caca. Avant ça roule. Allez, à demain les mecs. Allez, bonne soirée les gars. Ciao. On est parti chez 4h, bienvenue. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer, t'es fatigué. Fatigué. C'est normal, c'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Et oui, on est là de minuit à 4h. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bah nous, il était plutôt pas mal. Hein. On est parti avec Amina, avec Polo et avec Seba au Sandar à Madrid. Oui. On était jusqu'à l'aéroport et là, on a perdu Amina. On l'a récupérée à l'aéroport. C'est ça. Non mais incroyable. C'est-à-dire que samedi. Donc on est arrivé quand? Vendredi matin. Ouais. On arrive à Madrid à l'aéroport. Elle prend un truc dans sa valise qu'elle donne à ses bails, qu'elle reprend, qu'il reprend. Là, on la perd. Je la suis comme vous, hein, sur Instagram, sur Twitter, tout le bordel. Je vois qu'elle est en train de faire de la barque, truc ringard. Non, mais toutes les photos sont sur son Facebook et Instagram, vous pouvez aller voir. Et donc, je la vois en train de faire de la barque. On va là-bas, elle est partie. Bon, c'est pas grave, on dit avec Seba et Polo, on va aller ailleurs. On va ailleurs. On fait une photo machin et voilà que 10 minutes après c'est elle qui arrive à cet endroit là. C'était bon. La fugitif en fait. Voilà ouais à c'est Madrid. Ça. C'est exactement ça. Donc résultat on l'a retrouvée à l'aéroport. Bon on avait le même vol hein, donc du coup on s'est dit bah normalement on va pas le rater quoi. Donc voilà. Donc ce qui est bien quand vous passez un week-end avec Camilla c'est que vous la voyez pas. Bah c'est bien, ça fait des vacances. Bah ça a le côté positif effectivement, on n'a pas l'impression que bah, qu'on a passé un week-end ensemble et pour cause, on ne l'a pas passé. C'est ça. Non mais voilà, c'est dingue. Bon, toutes les photos sont sur le Facebook et le Twitter et sur Instagram aussi. Vous pouvez taper M-I-K-L officiel si vous voulez aller voir ça. Ce petit week-end à Madrid nous a permis, bon évidemment avec Seba qui a invité Polo et moi-même d'ailleurs à aller voir le match du Real Madrid. Ouais, c'est vrai. Et qui m'a même offert un maillot du Real Madrid. Il voulait que je le mette aujourd'hui, mais comme j'ai déjà mis samedi et qu'il pue la tranche, je peux pas le remettre aujourd'hui. Donc non, je le remettrai. À la base, il m'a invité que moi pour aller voir le match. Non, il a invité tout le monde. Mais c'est ce qu'il dit, parce qu'il a changé d'avis entre temps. Bah. Parce qu'il fait son malin, parce qu'il voulait absolument. En fait, il veut passer auprès de Polo pour le mec. Donc il fait ouais, non, mais il y avait que toi. Mais en fin de compte, c'est un sac à merde. C'est mignon. Donc je disais, ce week-end à Madrid qui nous a permis, enfin, qui a permis justement. Et ben de trouver un nouveau surnom à Seba, dit le parasite, dit l'espagnol, dit à l'aise. Et bien il s'appelle également Tartuffe maintenant. Ah, dit Tartuffe, voilà. C'est un noble. C'est ça, voilà, Tartuffo. Voilà, on a trouvé ça, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça, voilà. Donc Polo qui a passé un bon week-end, qui a vu qui a failli pécho également à Madrid. Bon, malheureusement le temps a fait qu'il n'a pas eu l'occasion, mais. Non, c'était très sympa. Pour une fois, l'espagnol m'a. Tartuffe, lui, Seba, là-bas, là, le tas de merde. Voilà, au pour standard. Une fois, il m'a surpris parce que c'est vrai qu'on était dans un bel endroit avec beaucoup de grosses salopes et on a fait pêcher. Oh, on était bien. Là, on était bien. Pourtant, on n'a pas vu Amina. Non, bah, et figure-toi qu'on était au même endroit en plus. Elle était là 10 minutes avant. Il n'y avait que les salopes. Exactement, mais je suis partie du coup. Étonnant. Et Bontoff qui, lui, alors soi-disant, il n'est pas venu parce qu'il travaillait. Alors, voilà autre chose. Bah, bien sûr. Menteur. Mais t'as fait quoi? Bah, à part jeter ton téléphone par terre. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça a été un emploi à plein temps. Oh là là là là, il a jeté son téléphone. Et après par il a terre. Fallu que j'appelle Orange, que je m'embrouille avec la note de l'assurance. Et bah évidemment. Bon, en tout cas dites-nous si vous avez passé un week-end sympa, bah appelez-nous hein, 01 40 71 5000 numéro. Si vous voulez passer en direct à l'antenne, si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas aussi à faire le 02 703 0071. Message de Jessica qui dit la meilleure équipe est là. Bah salut Jess, c'est qui a envoyé son message. On est bon, Facebook, ouais. Twitter, Instagram, vous tapez MIKL officiel et Caro qui dit bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous retrouver comme chaque nuit. Bah salut à toi Caro, Benko du 42, bonsoir à l'équipe de Bras Cassés, un coup de pelle à Toff que j'emmerde. Bisous à petite femme Eva que j'aime. Avec plaisir, voilà le coup dans sa gueule. Et Jus aussi qui dit on retrouve l'équipe de Mickaël. C'était trop long sans vous, mais vous avez profité de votre week-end. Ah oui, on a profité de notre week-end, effectivement, ouais. Donc c'était plutôt cool, les photos, bah, vous avez pu le remarquer, on s'est plutôt bien marré. Donc voilà, la cool quoi, la cool. Il y a même Polo d'ailleurs sur la story d'Instagram qui a expliqué la définition de Toff selon lui. On peut la dire parce qu'elle est plus disponible sur la story. Parce qu'il y avait un truc, il y avait une version longue qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il y avait 10 secondes malheureusement. Ah en merde, fait, dommage. En fait, mon explication sur Toff, c'est apparemment, il fut un temps, il y a très longtemps, j'ai plusieurs explications sur la naissance de la Belgique et tout ça. Mais je viendrai un autre jour là-dessus. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, dans l'univers s'est mis en branle et toute l'humanité s'est mise à chier dans un espèce d'énorme sac et on est ressorti Toff. Exactement. Après macération de voilà. Mais malheureusement, la story d'Instagram ne fait que 10 secondes, donc je ne pouvais pas. C'est dommage. C'est vraiment c'est con, historique, hein, c'est des preuves historiques là-dessus. Mais bien sûr. Bon, je rappelle aussi qu'il y a Xbox One à gagner, Xbox One S à gagner sur le Facebook de l'émission. On tirera au sort, non pas jeudi, mais dimanche soir. Puisqu'on est à partir de 20h aussi, 20h minuit tous les dimanches. Génial. Donc si vous ça voulez, me manquait. Eh bah ouais, bon, on tirera au sort donc dimanche soir, comme ça vous aurez plus de chances d'être appelé forcément, hein, puisque vous serez réveillé le dimanche soir 20h minuit. On sera là avec vous. Xbox One S a gagné donc sur le Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un œil, vous tapez M-I-K-L officiel. Il y a Boubacar qui est avec nous maintenant à Paris. Salut Boubacar. On t'a déjà eu, non? Parce que ce prénom qu'on n'a pas tous les jours dans l'émission non plus me dit quelque chose. Ouais, ça va. Je me souviens les quatre. L'équipe ça grisille un peu quoi, je vous entends pas très bien, ça grisille. Ah bon, un nous peu. On t'entend très très bien pourtant, c'est dommage. Ça grésille là vraiment? Ouais, ça grésille grave. Ah bon, bah écoute, on va te rappeler, on parle de quoi avec toi dans un instant du coup, Boubacar? Ouais, tu vois la meuf de l'autre fois là. Non, attends, rappelle le truc parce que je me souviens de ton prénom mais pas de tout. T'inquiète. Boubacar, c'est quoi l'histoire? Mais gros, la meuf de ma pote, en fait, elle m'a fait un coup de pute. J'ai suivi les conseils, etc. Ah, c'est lui qui avait une... Si, en fait, il avait une amie qui était super bonne, ouais. Mais il en voulait pas. Elle lui plaisait pas. Parce qu'il aimait les meufs avec des gros culs. Exactement. Non, elle était pas bonne, elle était belle. Mais elle avait pas un gros cul et toi, tu préférais qu'elle soit un peu en chair, quoi. Voilà. Et elle voulait coucher avec toi et lui refuser, alors ça, c'est improbable. Bon, et d'accord, ok, très bien. J'avais proposé mes services, mais je n'ai pas été recontacté. Étonnant, tiens. Et donc, du coup, vas-y, raconte la suite. Bah gros, j'ai décidé de lui dire la vérité, tu vois, parce que moi je suis un mec honnête. Ouais. Et maintenant, en gros, elle m'a fait un coup de pute, en gros, vas-y, elle est partie raconter à toutes les meufs que je parlais. que ouais, que je couchais avec toutes les meufs, que je faisais ci, que je faisais ça. En gros, elle est partie dire de la merde. Et bah, en gros, moi, la question que je me pose. C'est pas le jeu du gros, hein, par contre, hein, si jamais, au cas où. Non, mais au cas où. Bah, pourtant, elle était bien partie. Bah, t'étais bien partie, mais bon. Et donc ? Ouais. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois suivre le conseil de Toff ? Donc, mentez-leur. Non, c'est Polo qui donne son conseil. C'est Polo. Mais insulte pas, Toff n'a pas le niveau d'intelligence pour penser à ce genre de truc. Bon, en gros, tu veux savoir si tu vas lui mentir. Bon, attends, Boubacar, bouge pas. Déjà, on va te rappeler pour que t'aies plus grésillement dans les oreilles. Comme ça, on te reprend juste après. Ne bouge pas. Il y a plein de messages qui arrivent aussi. Bonsoir, j'étais à Nantes. C'est une super ville. J'y retournerai. Bonjour aux Canaries et à vous. Salut à toi. Toff, sale raclure, je t'attrape par la nuque et je t'éclate la face dans une bouse de vache et je te fiste en me servant de la merde comme vaseline. Voilà. Mais c'est parfait. Très sympa. Parfait. J'aime beaucoup cette idée. Ces petits messages de paix, d'amour et d'amitié qui arrivent envers Toff, ça fait plaisir. N'oubliez pas le hashtag Mickaël sur le Twitter si vous voulez envoyer vos messages et qu'on puisse les lire. Ça marche aussi par SMS. Vous envoyez Mickaël et votre message au 612, même numéro pour la France et la Belgique. Et n'oubliez pas l'iPhone 7 à gagner peut-être ce soir. Dès que vous entendez le son de 21 Pilots enchaîné avec Gnash, faut évidemment nous envoyer votre message. Vous envoyez Mickaël espace espace double, puisque c'est le double hit. Mickaël, espace double et votre numéro de téléphone au 612, mais uniquement quand vous entendrez 21 Pilots enchaîné avec Gnash, évidemment. En attendant, on va s'écouter du son tout à l'heure. Il y aura Charlie Puth, il y aura DJ Snake également. Vous mettrez le son de LP. Et on va démarrer avec Shakira maintenant. Tiens, minuit 14, on est là tranquillement, à la cool, jusqu'à 4h du matin. Et appelez-nous pour passer en direct 01 40 71 5000. Shakira, on écoute ça tout de suite sur Énergie. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Oye, me cago, soirée tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, minuit 18. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Bah oui, bah justement, venez nous rejoindre 01 40 71 5000. On est là toute la nuit. Si vous êtes en Belgique, 02 703 0071. On va récupérer Boubacar dans un instant qui voulait savoir s'il devait suivre les conseils de Polo, c'est-à-dire monter l'heure et adore qu'on leur monte par rapport à une fille. On aura Jess également qui va nous raconter son petit week-end. Salut Jess, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super Jess. T'appelles d'où, dis-moi? Moi, j'appelle du 27. Très bien, ok. Campagne. Et t'as fait quoi en deux mots ce week-end? On en parlera plus en détail après la pub. En deux mots, Club Libertin. Ah, bah très bien, bah bouge pas, Jess, on va parler. Par là. Ah, bah attends, il rallume son micro, il met le casque alors qu'il avait rien à foutre il y a deux secondes. Bon, vous bougez pas de là, il y a Alex qui dit Mais c'est que cette saison, il y a plein de bonnes nouvelles. Non seulement vous êtes là dès minuit, en plus à partir de dimanche de 20h à minuit, c'est top. Bah oui, on est là justement, voilà, dès dimanche 20h minuit. D'ailleurs, on fera le tirage au sort pour gagner la Xbox One S. Ce sera dimanche à partir de 20h. Et Jenny Lynn qui dit aussi trop cool. Vous fêtez les dimanches maintenant, bonne émission à tous. Merci beaucoup pour vos messages. N'oubliez pas le hashtag Mickaël si vous voulez participer en direct à l'émission. Restez là aussi, je vous mets Charlie Pouce à suivre. Et DJ Snake qui vont arriver tout à l'heure. Le chéri, je peux te faire cocu aussi avant 1h du matin. Et si vous voulez participer là aussi, vous pouvez appeler Seba au standard 01 40 71 5000. On se met la pub en speed et on revient juste après en direct et avec la nuit sans pub. Vous bougez pas, ça arrive dans deux secondes. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Une étude, écoutez-moi bien. Menée pour savoir combien de temps il fallait pour séduire une femme. Nous avons les mecs, écoutez-moi bien, 14 minutes. Et 30 secondes, exactement. Ah ouais, c'est chaud. 14 minutes 30, c'est le temps de commander une bouteille de champagne dans un bar branché. C'est ça. Qui va te coûter un bras, tu sors ta carte noire, elle voit bien que t'es une bonne couleur. Et là, et voilà, et là, 14 minutes 30, elle fait, pas mal. 19h, 22h, sur Énergie. Énergie, it's music only, avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des Zéniths, partout en France, dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé, en concert. Dans un monde meilleur. Un événement Énergie. Hit music only. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this chain. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir, une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Et on est au cœur de la nuit sans pub maintenant. Ça, enfin pas au cœur, on la démarre cette nuit sans pub justement. À la cool, plus de pub pendant le reste de la nuit. On est sur Énergie jusqu'à 4h du matin. 01 40 71 5000, numéro du standard. Vous appelez Seba, dit l'espagnol, dit le parasite, dit à l'aise, dit tartuffe, dit... J'oublie un truc ? Non, c'est tout. J'oublie un truc. Je vais les noter. Non mais attends, parce qu'à chaque fois je me dis, j'oublie un truc. Alors, donc, espagnol, alors, là, parasite. Seba. Parasite, bah c'est bas, c'est oui. Dit l'espagnol. Parasite, donc dit espagnol. Dit à l'aise. Dit à l'aise, dit tartuffe. C'est tout ? C'est tout. Ouais, il y en aura sûrement un autre dans 5 minutes. Hein. Ouais, bah c'est possible. Dit à l'aise, dit tartuffe. Très bien. Bon, bah voilà. Bah, 01 40 71 5000, vous pouvez appeler, passer en direct à l'antenne. Message aussi par SMS au 612. De vous envoyer Mickaël et votre message au 612. Et alors, il y a plein de messages qui arrivent aussi. On va les lire dans quelques minutes. On va d'abord récupérer. Où est-ce qu'il est ? Boubacar, qui est avec nous à Paris. T'es toujours là, Boubacar ? Ouais, ma gueule, on est là. Hein. Parfait. Avant de se faire des appels mal intentionnés, bien entendu. Oh, Boubacar, bon, alors toi, t'es déjà passé dans l'émission, donc il y a une meuf, une amie à toi, qui, qui. Alors, elle voulait sortir avec toi ou elle voulait coucher ma avec toi amie, je me souviens plus. Ta meilleure amie, ouais. Elle voulait coucher avec moi. Elle voulait coucher avec toi. Ma meilleure amie, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, toi, bah, elle est bien, mais sauf que toi, tu préfères les meufs un peu en chair, on va dire. Un gros cul. Ouais. Voilà, un gros cul. Voilà. Et puis surtout, c'est que Boubacar, c'est pas un mec facile, et voilà. Ouais, c'est voilà. Il faut dire la vérité. Et donc, ta copine, enfin, ton amie, n'a pas de gros cul, du coup, elle t'intéressait pas. Tu lui as dit, et maintenant, apparemment, elle fout la misère. Elle dit à toutes tes connaissances que t'es un mec, t'es un salaud, que tu couches avec toutes les meufs. Exactement. Etc. Tu vois la trahison de la femme. Exactement. Ouais, mais ouais, ça c'est les femmes, c'est les femmes, Boubacar, tu verras. Mais la question c'est. Elles sont comme ça. Boubacar, un mec célibataire, normalement constitué, si une meuf qui est mignonne, même si c'est pas forcément sa cam à la base, lui propose de coucher avec elle, enfin je veux dire, tu dois être le seul que je connaisse qui refuse. Ouais, mais vas-y. Gros, tu vois, parce que je te jure, elle est pas bonne, franchement. Et je l'aime bien, je te jure, c'est ma pote et tout, hein, je la kiffe. Hein. Mais je te jure, elle est pas bonne, quoi, gros. Mais t'as dit qu'elle était jolie. Oui, mais pas bonne. C'est-à-dire quoi, elle est pas bonne. Elle a un beau visage. Par exemple, c'est comme si, franchement, est-ce que toi tu baiserais Susan Boyle avec le visage de Kate Moss? Ouais, moi je peux. Au pire, tu te fais sucer, quoi. Sérieux, t'as vu la gueule de le corps de. Ouais, je peux, si elle a... Ouais, si je peux. Ouais, mais si toi. Je peux, si elle est d'accord, moi je peux. Bon, et donc, alors quoi, tu lui as dit, écoute, voilà, je n'ai pas envie de coucher avec toi, ouais, et après, voilà. Il s'est passé quoi exactement ? J'étais honnête, parce que moi, je suis un mec honnête. Jamais, mec, jamais. Ça sert à rien, l'honnêteté, Polo te le dira. Ouais, mais par principe, moi, je dis toujours la vérité, tu vois, je suis un mec honnête. Non, mais ouais. La question, c'est comment tu lui as dit pour qu'elle se mange ? C'est ça aussi, parce qu'il y a des manières. Je lui ai dit gentiment, tu vois, c'est quand même. T'as dit quoi ? Dégage, sale mocheté, j'ai pas envie de baiser avec toi. Non, mais tu vois, c'est. Suzanne Boyle. Voilà, t'as dit comment ? Non, je lui ai dit, écoute, vas-y, c'est mieux qu'on reste amis. Moi, honnêtement, franchement, j'ai pas envie de coucher avec toi, tu m'intéresses pas, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu étais obligé de dire que tu m'intéresses pas ? T'aurais pu effectivement jouer le menteur à The Dark Color Mante à l'Apollo en disant, écoute, j'ai pas envie de risquer notre amitié, je tiens beaucoup à toi, j'ai pas envie qu'on s'embrouille si jamais, tu vois, on sait jamais, ouais, c'est jamais safe. Je l'ai dit avec un air gentil, du coup, sur le moment, ça passait. Ouais, mais même avec un air gentil, tu m'intéresses pas. Même avec un air gentil, ça passe mal. Ouais. Ah oui. Possible. Ah oui, non, mais attends, mais je te dis les choses après. Moi, je te donne mon avis. Hein. Je n'ai pas dit que j'avais la science infuse. C'est possible, non. Je te donne juste mon avis, c'est tout. Mais oui, bon. Bah, et après, donc, après, vas-y, raconte. Bah, du coup, je lui dis ça. Elle commence à me faire une scène. Mais comment ça ? Je sais pas quoi. Non, au début, elle a fait. Tu vois, les femmes vicieuses comme elles sont. Au début, elle m'a fait croire que tout allait bien. Que ouais, vas-y, tranquille. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est phase 1, ça. Toujours. C'est ça. Le lendemain. C'est genre, il n'y a rien, t'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Y a rien. Alors, tu sais qu'il y a quelque chose. Et quand t'insistes, après, tu te fais engueuler parce que t'insistes. Et si t'insistes pas, après, tu te fais quand même engueuler parce que tu t'as vu, t'en as rien à foutre, voilà. En fait. Bah, si, mais tu m'as dit qu'il n'y a rien. Ouais, mais t'es un mec, tu cherches pas plus loin que le bout de ton nez. Et donc, en fait, de toute façon, dès qu'une meuf te dit, il n'y a rien, tu sais que t'es dans la merde. Quoi que tu fasses, t'es foutu. Non, mais c'est vrai. Je jure, même quand il n'y a rien, il y a quelque chose. Il y a toujours des emmerdes, voilà, c'est ça. Bon, et donc après. Du coup, vas-y, moi, je lâche l'affaire, tu vois. Je me dis, vas-y, tranquille, il n'y a rien, comme elle a dit. Ouais, voilà. Le lendemain, bon, je parlais à une pote à moi, avec ce que je voulais gérer, tu vois. Je la parle normal, je lui parlais comme d'habitude. Elle me vient un vent, elle me recale. Elle me dit, ouais, je sais pas quoi. Ta pote, elle est partie. Elle m'a dit que, ouais, t'es un mec que tu vas voir à gauche à, dos, à gauche à droite, je sais pas quoi, en haut, en bas. Elle a dit à toutes tes autres copines à qui tu parles, etc. En gros, elle m'a fait une réputation, la connasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça veut dire, là, je suis grillé. T'es blacklisté, mon bâtard. Exactement. C'est le cas de le dire. Et du coup, maman, la question. Et maman, la question que je me dis, c'est. Parce que moi, je suis un mec honnête, tu vois. Moi, jamais de ma vie, j'ai menti à une femme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maman, bah, regarde où ça t'a amené. C'est ça. Ah, je te jure, la question que je me pose, c'est est-ce que franchement, faut leur mentir? Concrètement, faut que je devienne non, mais Polo, arrête pas de te mais non, mais il faut pas mentir, non. Mais parfois, il est nécessaire. Il est bon de ne pas leur dire la vérité. Exactement, toute la vérité. Mais attends, pour remettre les pendules à l'heure, quand je dis mentir, c'est pas mentir pour mentir. Bah si, un jour t'as dit à un auditeur, dis que tu bosses à énergie, on te sauvera la mise. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais parce que non, mais oui, mais c'est pas, c'était pour pécho la meuf. Ouais. Et c'était un adolescent. Et on sait très bien qu'il allait pas rester toute sa vie avec la meuf. Donc si on peut aider un adolescent à vivre un peu de relation, un peu d'amour, il a besoin de ça. Mais c'est la vérité. Mais quelle arnaque, comment tu le vends, ouais. Mais c'est pas une arnaque. Mais c'est pas une arnaque, c'est la vérité. Merci. Mais c'est la vérité, puisque la meuf va lui mentir avant. Bah attends. Bon, Boubacar, reste avec nous si vous êtes déjà tombé dans le même cas. Ça m'étonnerait, c'est rare qu'un mec refuse les avances d'une meuf. Mais enfin bon, on sait jamais. 01 40 71 5000, bouge pas de la Boubacar. On aura Jess dans un instant donc pour nous raconter son week-end dans un club échangiste. Alors, hein, c'est ça, Jess? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah bah écoute, toi, en fait, déjà tout est moustillé. Donc, ah bah, je frétille. Reste avec nous, Jess, dites-nous ce que vous avez fait. Plus, plus. Ah bah, lui, c'est sûr, hein, tu m'étonnes. Dites-nous si vous avez fait un truc spécial ce week-end. 01 40 71 5000. Bah, nous, on était voir un match de foot avec Polo et avec Toff. Et même avec Amina, on était au même stade. Mais encore une fois, nos places ne correspondaient pas. C'est un truc de fou. On a passé le week-end à Madrid, tous à 4. Bon, sans Toff, hein, parce que bon, lui, il a été refusé à l'avion. Oui, j'ai pas pu. Voilà, il a pas pu monter à bord. Et bon, on a perdu Amina là, à l'aéroport. Ouais. On l'a retrouvé à l'aéroport 4 jours plus tard. Enfin, 3 jours plus tard. Mais on a fait les mêmes choses. Mais on a fait quasiment les mêmes choses, c'est ça qui est exceptionnel. Mais c'est ça, j'avais fait une vidéo sur Stories. Ouais, pourquoi Mina n'est pas dessus? Bah, elle est dans le même stade, mais pas la même place. On sait pas où elle est. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bref. Donc, du coup, nous, on a passé le week-end à Madrid. On s'est plutôt bien marré. Photos, vidéos, tout ça sur le Facebook, Twitter et Insta. Vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis, dites-nous si vous avez passé un week-end aussi sympa ou pas. 01 40 71 5000. On se fait les appels mal intentionnés. Toff se fait insulter. J'espère. Ah bah oui. Juste après le son de Charlie Puth et Selena Gomez, c'est maintenant sur NRJ. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would. Gone. Every she's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Sur Énergie et on va sur les appels mal intentionnés, tiens. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Et oui, on est là avec les appels mal intentionnés maintenant. Et avant de récupérer Jess et Boubacar, justement. Toujours au cœur de la nuit sans pub, donc appel mal intentionné. Et grande question, est-ce que vous pensez que l'éjaculation faciale est arrivée avec les films porno en fait? Et vous y pensez ou pas? Ah non, moi j'y pense pas, j'y pense jamais quand je le fais. Non, mais je me doute, mais vous pensez que c'est arrivé grâce au film porno ou pas? Bah, pas grâce, mais à cause, oui. Ou à cause, bon après, ça dépend. Voilà. Oui, Amina va dire à cause et Polo dira grâce, j'imagine. C'est ça, exactement. Voilà, et bah, pas du tout. Le marquis de Sade s'en donnait déjà à cœur joie au 18e siècle. Aujourd'hui, 20% des filles acceptent volontiers, même si 35% continuent de trouver ça dégradant. Amina ? Je pense que c'est une connerie. Elles sont où les 45% autres, là ? Non, mais. Non, attends. Mais non, mais et toi ? C'est quoi cette science pourrie ? Est-ce que t'as déjà fait ? Non ! En aimant ou en aimant pas, hein, mais c'est hyper dangereux pour les yeux, il y a de l'acidité, machin. Moi, j'ai envie de finir chez le médecin. Hein. Ça attends. Y est, alors on va se retrouver dans une émission de cuisine maintenant. Et t'as qu'à mettre des lunettes de chantier comme bah ça, oui, voilà, non, mais avec un casque et la lumière. C'est pour les yeux, c'est sûr. Bah oui. Non, mais il faut pas. Non, mais attends, mais ça t'empêche pas quand même de mettre du maquillage. Tu mets pas du rimmel dans l'œil ? Oui, non, mais je mets pas de l'acide sur ma peau. Je suis en train. C'est comme si j'étais en train de défendre ça. J'en ai rien à foutre personnellement. Je l'ai déjà dit 100 fois, une fois que t'éjacules, que ça arrive sur le visage, sur les seins, dans le vagin, par terre, non mais peu importe, je m'en bats les couilles. Ouais, mais dis qu'elle ne pas ça, dis pas que c'est dangereux pour les yeux. Bah, je pense que si. L'acidité. Non, mais si tout. T'en as dans l'œil, oui, je pense pas que ce soit très très bon, effectivement. Oui, bah, pas plus que plein d'autres trucs, enfin. Non mais pas plus que, mais tant qu'à faire, autant essayer d'éviter. Le chlore aussi, c'est dangereux pour les yeux, enfin. Mais non, bah, oui. Non mais globalement, tu préviens ta meuf avant que ça arrive, elle a le temps de fermer les yeux ou de. T'es pas obligé d'en mettre dans l'œil, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, enfin je comprends. Non mais tu dis que c'est dangereux pour les yeux, le but c'est pas d'en mettre dedans. Bah oui, donc c'est bien ce que je dis, donc c'est pas un argument. Oui mais si, parce que tout le monde n'est pas habile. Donc dans le doute, si on peut éviter de perdre un œil. Attends. Non mais tu perdras pas un œil à cause du sperme. C'est-à-dire que tes mecs, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est les mecs, ils éjaculent 30 litres. C'est les pompiers, hein. C'est pas possible. Mec, il va mettre 3 gouttes. Oh là là, je vais perdre un œil. C'est ça, t'imagines un peu. Bon, donc du coup, Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils pratiquent. Alors que si tu tartines la gueule tranquillement, ça irait. Ben là, c'est bien. Non, Tof, t'es vraiment dégueulasse. Il paraît que c'est bon pour la peau et tout. Ça lui fera un petit teint aller. Bon, je disais, tu vas donc vérifier avec tes amis les numéros que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof. Que vous connaissez bien sûr et qui s'énerve facilement sur toph@energie.com. On va donc vérifier ça. Et accessoirement, dites-nous les filles, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester l'éjaculation faciale? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Les mecs aussi, comme je l'ai dit, moi j'en ai rien à foutre si la fille veut. Bah oui, pourquoi pas, je le fais, mais sinon ça va pas. Je vais pas plus ou moins kiffer de le faire, par exemple. Donc 01 40 71 5000 où vous envoyez Mickaël et votre message au 612. Rassurez-vous, ça restera anonyme. Hein, si vous n'avez pas envie d'en parler, il n'y a aucun problème. Enfin, sans qu'on vous reconnaisse, c'est ça que je veux dire. Bon, on y va, c'est parti? Mais moi je suis prêt. Eh bah tant mieux. Allez, c'est parti. Ça ne décroche pas. Merci. Well. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, salut. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimez pratiquer l'éjaculation faciale, monsieur. C'est un sketch. Non, c'est un appel, monsieur. C'est quoi le clown là? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom là déjà? Je m'appelle Tof, monsieur. Tof, ouais, c'est vrai. Le fameux fils de pute, Tof. Oh, non. Je me rappelle de ta gueule de con. Ça y est, c'est bon, voilà. Ah, c'est vrai? Alors, Allez, bah ouais, je sais pas, t'as pas d'amis. En fait, tu dois être amoureux de moi. Je suis sûr que t'es amoureux de moi. Non, pas du tout, monsieur. T'as je veux juste savoir si vous pratiquez l'éjaculation faciale. Bien sûr, je vais pratiquer l'éjaculation faciale. Ta mère, elle le fait déjà, ta fille de pute. Ça, je sais pas, monsieur, faudra lui demander. Ah, faudra lui demander, bah, tu sais quoi, tu vois, tu prends, tu l'appelles, sale fils de pute. Et tu vas pas commencer à me casser les couilles, parce que tu vois, là, je suis tranquille. Je commence ma semaine de taf, hein, fils de pute. Oui. D'accord? Oui. Donc, tu vas arrêter de me casser les couilles. De toute façon, je vais t'appeler comme ça, en fait. De toute façon, tu dois avoir la gueule d'une couille. Mais pas du tout. Je suis sûr que t'es un fond de couille. Tu fermes ta gueule, je te dis, t'es un fond de couille, et tu fermes ta gueule, fils de pute. D'accord? Donc, tu vas voir ta mère, tu vas lui faire une faciale, tu la mets dans son cul. Tu fais ce que tu veux. T'arrêtes de me casser les couilles, fils de pute. Non. D'accord. Alors. Dites pas des choses comme. Nique ta mère. Tu vois, je suis zen, mon pote. Non. Nique ta mère, sale fils de pute. Non, ça se dit pas des choses comme ça, monsieur. Ça se dit pas, mais il a raccroché au nez. Attends une seconde, on va le rappeler. Bah oui, hein. Ça se fait pas non plus. Ça se fait pas. En plus, il est mal élevé. Fais-moi bah tête oui. De slip. J'ai mis le tête de slip. Tête de slip, c'est pas mal non plus. Ouais. Bon, attends, on rappelle encore une fois. Oui. Faut de couilles. Non, ouais, c'est ça, ça se dit pas des choses comme ça, monsieur. Ferme ta gueule, fils de pute, putain, tu vas commencer à me saouler, tu vois. Arrête, tu vas commencer à me chauffer, l'enfant de putain. Mais... Nique ta mère, fils de pute. Mais non, monsieur, je veux pas vous chauffer, je veux juste avoir une réponse à ma question. Mais ferme ta gueule, fils de pute. Nique ta mère, bâtard. Non, dites pas ça, monsieur. Allô. Oh bah il est encore parti. Oui, il est encore parti, c'est dommage, il a un mauvais téléphone, ça coupe tout le temps. Bah oui, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, on y va. Nique ta mère, nique ta mère, non, nique ta mère, fils de pute. Ta gueule, fond de couille, d'accord? Non, dis pas ça, monsieur. Allez, répondez à ma question. Nique ta mère, fond de couille. C'est quoi? Ferme ta gueule, je te dis. Arrête de me péter les couilles, sale fils de pute, là. T'es de où, toi, déjà? De Paris. Oui. Ouais. Paris, sale fils de pute. Ben ouais, nique ta grand-mère. Fais ce que tu veux, sale fond de slip. Arrête de me péter les couilles, d'accord? Mais je vous pète pas les couilles, monsieur. Je vous pose une question. Mais tu me casses les couilles, sale fils de pute! Non, monsieur! Putain, bah oui, mais répondez à ma question alors, monsieur, comme ça je serai pas obligé de vous rappeler. Allô? Oh, qu'est-ce qu'il est lourd! Qu'est-ce qu'il est lourd! On rappelle. Pas envie de parler, toi, visiblement. Nique ta mère! Non, monsieur, vous énervez pas, ça sert à rien. Putain, mais ferme ta gueule, mais tu vas voir si je vais pas m'énerver, sale fils de pute! Moi, je nique ta mère! Non, ferme ta gueule que vous... Mais ferme ta gueule avec tes éjaculations faciales. Putain, tu dois faire partie d'un club de sodomites. Mais pas du tout, monsieur. Pute, là. Bah, putain, tu travailles dans un sex shop ou quoi, bâtard? Non, je suis au chômage, merde, monsieur. Bah ouais, c'est vrai, t'es au chômage. Ouais, j'ai oublié, le fils de pute d'enculé. Je suis en train de faire quoi? Pour travailler pour des fils de pute. Ah merde. Voilà, c'est ça. Ouais, en plus tu te fous de ma gueule, c'est ça, sale fils de pute. Putain, tu te rends pas de moi, ça me fond de couilles. Je me permettrai pas, monsieur, moi je veux juste avoir une réponse à ma question, c'est tout. Mais putain, je sais pas, quand j'entends ta voix, franchement, tu me fais gerber, sale fond de couilles. Tu dois te faire sodomiser, toi. On jette des cailloux à l'école, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai, non, t'es plus à l'école. Bah oui, j'ai 35 ans, monsieur. Ouais, monsieur est chez maman, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, ouais. Et c'est. Attends, juste. Attends, je vais répondre à ta question, d'accord? Ah, c'est gentil. Et tu réponds à la mienne. Oui, d'accord. Mais arrête tes conneries de trucs de merde, hein? D'accord. Donc, t'as eu où mon téléphone, sale fils de pute? 118-218, monsieur, toutou youtou. Ah, toutou youtou, ton truc d'anina, je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. 118-218, toutou youtou. Ah, mais je vous mens pas, monsieur, c'est la vérité. Mais c'est pas là que tu as eu, sale fils de pute, c'est pas possible! Ni ta mère, putain, tu me casses les couilles, sale fils de pute! Là, ta réponse, tu la mets à ton cul! Non, vous énervez encore, monsieur, c'est pas gentil! Mais ferme ta gueule, tu vois! Putain, mais nique ta mère! Oh non, arrêtez de dire ça, monsieur! Allô? Oh, il va nous raccrocher! J'espère qu'il va nous, pas nous faire un arrêt cardiaque, hein! Ah bah oui, parce qu'il a l'air bien énervé, là! Bah attends, le rappel! Pour la peine! C'est vrai qu'il a l'air un peu nerveux quand même, hein! J'espère qu'il va bien! Nique ta mère, fils de pute! Vous aviez promis. Vous aviez promis de répondre à la question. Mais je t'ai dit, si tu me répondais, tu m'as pas répondu avec tes trucs bidons là! Mais tes trucs des années 80, sale vieille couche de merde! Non, c'est moi tu je. Tu fais vous a... chier, fils de pute! Moi je. Nique ta répondu. Mère! Non, c'est pas gentil. Mais monsieur. Là, tu m'as pas répondu, tu prends un bateau, tu me prends pourquoi là? Pour un clochard, tu me prends pas 6 semaines, sale fils de pute! Mais pas du tout, monsieur. Moi, vous me posez une question, je vous réponds. Tout. Avec ta voix de gamin, là, putain, tu commences à me péter les couilles. Mais putain, mais t'es un résidu, t'es pire que... T'as ta mère, elle t'a eu quand elle a été au chiot, c'est pas possible. Oh, ton père, il a été pissé, toi, t'es... Derrière, t'as été mélangé avec de l'urine. Oh non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. T'as l'enfant, putain, ah, oh. Nique ta mère. Oh, tu me pètes les couilles, là. Mais tu peux pas y aller à baiser, t'as... Va faire le trottoir, va au bois, c'est quoi, là, les... chez vous, là, le bois de Boulogne. Qu'est-ce que tu veux, mais arrête de me péter les couilles. Bah oui, répondez à la question, monsieur, comme ça je serais plus obligé de vous rappeler. Mais j'ai pas envie de répondre à ta question de merde, espèce de batringue de merde, de fils de pute d'enculé de bâtard. D'accord. Alors. Bah non, moi je suis pas d'accord, monsieur. Mais moi je suis d'accord, j'ai pas envie que tu me pètes les couilles, sale fils de pute. Tu comprends? Non, je comprends pas, alors, monsieur. Va te faire sodomiser, sale faux de couilles, va sucer des couilles, va sucer des bites, fais ce que tu veux. Mais lâche-moi, enfant de putain! C'est quoi le prénom de ta mère, là? C'est quoi? Maryse, monsieur, elle s'appelle Maryse. Comment? Maryse. Maryse, ouais. Ah, oh, putain. Franchement, je la plains. Enfin, je la plains, mais bon, peut-être ta mère, elle est comme toi. Peut-être vous faites, je sais pas, des trucs ensemble. Mais pas mais, du tout, franchement, monsieur. Mais, bah, non, mais allez, tu sais quoi? Arrête de me saouler. Bah oui, mais répondez à la question, alors, monsieur. Je serais pas obligé de vous rappeler. Mais t'imagines, tu me stresses. Je suis content parce qu'il se passe un moment où, hop, j'ai pas. Tu m'appelles pas. Et là, tu me stresses, sale fils de pute. Mais tu comprends ça? Non. Tu me stresses, sale fils de pute. Ah, mais tu comprends pas. Bah ouais, t'es un fils de pute de chômeur. Ah, bien sûr. Putain. Alors, va te faire enculer, d'accord? Va te faire enculer, fils de pute, gros bâtard, fond de couille, nique ta mère, enfant putain, d'accord? Marie la pute, nique ta mère, Marie la pute. Mais moi, je suis pas d'accord, monsieur. Ma pauvre maman. Ah ouais, mais t'es pas d'accord, mais... Oh la vache, oh, ça a été violent. Alors encore une fois, juste pour voir, aussi à nous voir quand je te réponds à ma question, dis donc. Oh la pauvre, ça se fait pas quand même. Ouais, décroche. Maryse, qu'on embrasse, bien sûr. Hein. Oui, ça lui fera plaisir. J'imagine. Bonjour, oh. Vous êtes sur la messagerie du Merde, c'est dommage, j'ai raccroché. Bon, bah, il est en forme lui, hein. Ça est beaucoup plus dire. Bon, on en fera l'autre tout à l'heure. Si vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer, envoyez-les sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis on va se faire DJ Snake maintenant sur Energy, il est minuit 46. On est en direct, il y a LP aussi tout à l'heure. Et puis on va récupérer surtout Jess et Boubacar dans un instant. On est sur Energy, la nuit sans pub. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Bienvenue. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux. Nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Top Polo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Top a toujours une sale gueule et ça, ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Bah, le fait qu'on fasse le dimanche de 20h à minuit, peut-être que ça va le donner un petit coup de beau. Je pense pas, non. Non, je sais pas. Ça va peut-être l'air. Ça va peut-être le bonifier, je sais pas. Bon, minuit 50. Jeanne Françoise qui dit amitié à Maryse. Bien sûr qu'on embrasse la Maryse, la ma mère de Toff. Maman. Julien qui dit qu'est-ce qu'il est bon celui-là, je suis morte. Alan qui dit le fameux fils de pute. Oui, oui, c'est celui qui les enquille si régulièrement. Lynn qui dit salut l'équipe, salut à toi, Lynn. Bon, tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. N'oubliez pas, si vous voulez qu'on lise vos messages en direct, bah, vous les balancez. Alors attention, parce qu'il y en a qui me dit oui, on n'a pas lu mon message. C'est pas parce que vous envoyez un message qu'on va tous les lire. Parce que les messages sont complètement inutiles. Hein. Non, mais on lit les messages qui sont drôles ou en rapport avec ce qu'on dit à la radio, bien entendu. Hein. Si vous envoyez juste un message pour dire, j'en sais rien, bon anniversaire à ma tante Germaine, tout le monde s'en fout. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour votre tante Germaine. Hein. Mais je veux dire, globalement, tout le monde s'en fout. Nous sommes bien d'accord. Bon, on va récupérer Jess avant de prendre Boubacar, donc, qui est déjà passé dans l'émission avec sa meilleure amie qui voulait coucher avec lui, mais lui n'en voulait pas. Du coup, elle l'a mal pris. Et nous avons donc Jess avec nous, donc 33 ans, qui a passé un week-end sympathique en club échangiste. C'est ça, Jess ? Ouais, oui, c'est ça. Bon, alors, mais comment ça s'est passé, ce club échangiste ? Comment se fait que tu as passé un week-end en club échangiste ? C'est ça la question ? Parce que moi, mon mari, nous sommes un couple échangiste. Ah, bah voilà, ouais. Ça semble logique. Non, mais tu vois, t'aurais pu, par exemple, juste dire avec ton mec ou ton mari, tiens, on va se faire un week-end pour essayer, tu vois. T'es pas. Non, ça fait 6 ans qu'on essaye, du coup. C'est dingue, ça. Ah oui, quand même. Ouais. Vous allez changer quoi, en fait ? Quoi, que de la femme ou de l'homme, de tout ? Ah, de tout, homme et femme. Ah, d'accord, ok. C'est bien ça. Parce que toi, faudrait bien essayer, mais il n'a rien à échanger. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, après, tu sais, un trio, ça existe aussi. Hein. Tu peux aller dans un club et juste faire avec ton mari et un autre mec. Ah, très bien. Combien mesures-tu ? Ah, ouais, non, mais. C'est pas la question. Alors, Jess, combien mesures-tu ? 1m70. Combien pèses-tu ? Ah, oui, ça culmine. 80 kilos. C'est un peu fort, hein. D'accord. Quel est ton tour de poitrine ? 100B. Ah oui, D comme Denise alors. 100B. Voilà. B ou Denise ? B de Bénédicte ou non. D de Denise ? Comme Denise. Ah oui, comme Denise. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 44. Eh, hey, c'est bon pour toi, Boubacar, hein ? Toi qui aimes bien. Non, mais attends. Hey, attends. Ouais, mais j'étais premier pour le club. Ouais, mais t'étais premier quand même, mais bon. Boubacar ! Je te la prêterai après. Ouais. Donc tu préfères par exemple une meuf comme Jess plutôt qu'une meuf comme ta meilleure amie, quoi ? Avec une bonne paire de seins et un bon fessier. Ah, bon cul, ouais. Non, mais là, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Bon, hey, Jess, cela dit au passage, revenons aux moutons, là. Revenons à nos moutons, plutôt. Oui. Donc, club échangiste, t'as fait quoi ? Ouais. Bah, j'ai fait quoi ? Donc, un club d'enfants, de la musique, parce qu'il y a des clubs. Je crois, putain, moi aussi. J'ai cru que t'avais dit, c'est un club d'enfants. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dingue ? Dansant, danse. Voilà, voilà. Je précise. Parfait. C'est comme une boîte de nuit, mais voilà, tu fais plus que danser. D'accord. Ok. Voilà. Enfin, tu te frottes et puis ça finit par rentrer, quoi. Ouais. Voilà, bon, il y a des coins pour faire ça. Hein. Tu fais pas sur la piste de danse non plus. Hein. T'as des coins extraits. Ah oui, j'imagine. Des grandes chambres avec plein de décors, des grands lits et tout. C'est bien quand même, hein. C'est bien. Ouais, décoré, ouais. Ça met dans l'ambiance, hein. Mais ça te dérange pas, toi, de bah, que ton mec aille baiser quelqu'un d'autre ? Bah non, parce que je suis là. Oui, non, mais d'accord, mais. Non, il fait pas. Parce qu'on a eu cette discussion dans l'avion avec Amina qui elle m'a dit ouais, ça me dérange pas que mon mec aille baiser l'autre fille tant que je suis là aussi. Ah, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que j'adore. C'est ma passion dans la vie, évidemment. Eh, bah voilà. D'ailleurs, elle fait des vidéos comme ça, elle se souvient de la gueule de toutes les meufs qui ont baisé avec son mec. Voilà. C'est magnifique. Bah, moi, tu vois, ce week-end, moi, j'ai rien fait, mais mon mari l'a fait. Et moi, je l'ai regardé. Et donc, rien du tout, toi, même pas rien. Même pas un petit doigt. Non, parce que je pouvais pas. Ah, non, mais c'est la mauvaise période du mois. Voilà, t'as tout compris. Ah, ce qu'on appelle le problème du mois, donc ouais, c'est. Oh, voilà, attendez, parce qu'Amina, je pense, veut réagir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas les règles ? Bah, si, mais je trouve que c'est quand même un week-end assez sympa. C'est-à-dire que tu vas en club échangiste déjà pour voir ton mec avec une autre meuf, et en plus, t'as mal au bide, super la soirée. Non, mais tu peux avoir tes règles sans avoir mal au ventre. Oui, j'avais pas mal, hein. Non, j'avais pas mal, hein. Non, je me suis amusée quand même, hein. J'ai dansé. C'est juste que t'avais des règles. Voilà, c'est tout. Je pouvais rien faire, mais ça m'excitait quand même. D'accord, ok. Quand même. Et j'ai fait avec mon mari en rentrant à la maison. Hein. Donc, c'est génial, c'est pas grave, hein. C'est mon mari. Oui, oui, non, bah après. Oui, parce que lui, il a l'habitude. Ok. Et voilà. Ouais, c'est original. Voilà, bah, écoute, pourquoi pas. Si vous avez déjà été aussi dans des clubs échangistes, là, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. 01 40 71 5000. Bah, merci, Jess. Bah, de rien. Et tu rappelles quand tu veux, surtout, t'hésite pas. Hein. Et il n'y a pas de problème. Et bah, à bientôt. Gros bisous, Jess. Ciao à toi. Bisous, au revoir. Ciao. Il y a Émilie qui voulait réagir aux appels mal attentionnés. Émilie, 23 ans de Dijon. Ça va, Émilie? Oui. Oui, très bien. Je vous demandais, puisque c'est le thème des appels de Toff, est-ce que vous aviez déjà essayé, puisqu'on est tombé sur cette étude, hein, qui dit que l'éjaculation faciale, eh bien, 20% des filles l'acceptent et 35% continuent de trouver ça dégradant, justement. Et donc, du coup, je voulais savoir, vous qui êtes derrière votre radio, est-ce que vous avez déjà essayé, est-ce que vous aimez bien, vous n'aimez pas, voilà, est-ce que vous le faites pour le faire plaisir, mais vous n'avez rien à foutre. Et donc, du coup, Émilie, c'était quoi ton avis, toi? Maman, mon avis, c'est que c'est trop bon. Déjà, pour commencer, parce c'est que quoi, c'est chaud, c'est ça glisse. C'est trop bon. Ah, t'as bien, toi. Ça glisse. Ah, j'adore. Ah ouais. Ça glisse, genre chaud, tu fais du ski dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est bah ça. Oui. Non, non, mais franchement, j'adore ça. Je trouve, mais je trouve ça... Eh, hey, Émilie? Oui. L'odeur te dérange pas? Non mais ça chlingue ce truc. Non mais quand c'est quand tu bon, alors on va certains, cacher, quand certains diront comme toi que ça dépend de ce que tu manges. Oui. Et alors, de ce que tu alors, bois. Alors je peux réexpliquer ma théorie. Enfin, attention parce que Amina n'est pas au courant mais c'est vrai. Il y a deux ans, Toff a fait combien? Ça a duré cette étude a duré combien de mois? Ça a duré longtemps. J'ai fait ça sur presque 6 mois. Voilà, sur 6 mois, Toff s'est amusé toutes les semaines à manger, genre par exemple ou à boire par exemple, on va dire pendant une semaine du Red Bull. Voilà. Alors que ça c'est le pire. C'est voilà. La catastrophe. C'est ce qu'on pour ça voir te fait un sperme acide de ouf. Voilà. Pour voir quel est le résultat la final. La meuf a pas kiffé. Voilà. Donc et après ensuite pendant une semaine il a bu que du jus de nanas par exemple. Ça par contre elle a adoré le jus voilà. Non, mais attends. Le jus de nanas c'est number one dans le goût du sperme. C'était ouais. Cobaye pour un labo ou c'était non, juste. Non c'est comme ça. C'était pour un kiff perso. J'étais avec une meuf. C'était notre kiff. Voilà. On a essayé. On a fait plein de tests et donc ce qui sort le mieux c'est le jus d'ananas. Et je sais plus, il y en avait un autre, mais j'ai oublié. Ah, d'accord. Ça va être bien à peine de faire l'étude. Le jus de pomme. Ah, le jus de pomme, d'accord. Voilà. Okay. Alors, le jus de pamplemousse, le Red Bull, le Schweppes, enfin, tous ces trucs-là, c'est horrible. Le Schweppes. Et en fait, l'eau, contrairement à ce qu'on pense, ça n'améliore pas. C'est-à-dire qu'en général, c'est ce que t'as bu avant qui reste. Ah, merci, professeur Toff. Mais je t'en prie. Oui. D'accord, ok. Et donc, du coup, vas-y, Émilie, rentre plus dans le détail pour voir qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans, en fait. Oui, c'est chaud, ça coule, oui, enfin, ça glisse. Okay. Bah surtout la sensation en fait. Parce que je sais que tu fais jouer ton mec correctement. Voilà. Bon, enfin, si t'as le sperme qui arrive à côté, ça, tu vois que tu l'as fait jouer correctement aussi, non? Et c'est pour ça que justement l'eau c'est bien parce que ça le rend plus liquide. Donc du coup, ça te permet d'avoir un sperme qui coule beaucoup plus sur la joue. Ah, d'accord, je vais vomir, je reviens. Non, mais après, moi, ça dépend des usages que vous voulez faire. Enfin, usages, c'est pas un produit ménager, il y a pas 15 usages, excuse-moi. Bah, parle pour toi. Toi, tu veux faire des trucs soft, des trucs simples. Il y a des gens qui aiment bien un petit peu de fantaisie. Voilà. Bon, et Émilie alors? Oui. Non mais ok, tu dis oui, ça fait jouir mon mec, c'est bien, c'est chaud, ça coule, ça glisse, tout ce que tu veux. J'ai l'impression que j'ai bien fait jouer mon mec. Mais moi, je me sens fier de après, toi. Quoi. Ah ouais. C'est ça. Mais c'est tant mieux après. Hein. Donc tu fais partie des 20% qui font ça volontiers. C'est ça. Je comprends pas les filles qui n'aiment pas ça d'ailleurs. D'accord. Bah alors justement, parlons-en avec Amina qui elle n'aime pas ça. Oui, justement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non mais j'arrive à comprendre qu'il y ait des nanas qui kiffent, c'est des fantasmes et tout, il y a pas de souci, mais juste moi non, je trouve ça je trouve ça humiliant. Je dis pas que c'est humiliant, je dis que moi je me sentirais humiliée, c'est autre chose. Et non, mais je sais pas, c'est crade quoi. Enfin, c'est acide, tu payes une blinde des crèmes pour finalement te retrouver avec de la javel sur la gueule. Alors, de la javel. Certains diront que. Non, alors il paraît, ça, selon des études. Hein, très sérieuses qui m'ont servi à faire énormément d'appels. Élaborées par des hommes, évidemment. Ça, je ne sais pas. Bah oui. Il paraît que c'est très nourrissant pour la peau du visage. Pour la peau, ouais. Merci pour ça. Bah attends, Émilie, est-ce que t'as une belle peau au visage ou est-ce qu'il y a des boutons? Moi, je transmets. Est-ce qu'il y a des point noir, est-ce que tu as une belle ou une sale peau? Sois honnête. J'ai une belle peau, je pense, ouais. Je fais une photo. J'ai pas de bouton, j'ai pas de... Regarde-moi, je me fais pas de facial, regarde la tête que j'ai. Mais demande à Seba, il va te tartiner la gueule. Là. Ah bah oui, il va faire ça avec grand plaisir. Je veux pas avec tous les produits qu'il a pris, ça va faire pire que mieux. C'est clair. Tu sais quoi, Émilie, je veux bien, moi, te tartiner un peu. Non, mais si elle a envie, si elle aime ça. Puisque Polo insiste, Émilie, combien mesures-tu? Je suis 1m63. D'accord, combien pèses-tu? Je fais 50 kilos. D'accord. Bah, il faut un peu manger. Hein. Ouais, c'est parfait. Elle est bonne comme ça. Reste alors, comme ça. Quel est ton tour de poitrine? 90C. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? La taille 38. Je te fais une faciale quand tu veux. Arrêtez. Et tu pourras choisir ce que j'aurais vu avant. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est. Voilà. Et pour la prochaine chanson de Polo, je m'engage, je lui mettrai une petite réverbe en plus afin de. Merci. Ah non, afin de vraiment donner du corps à ça. Donner du corps à cette chanson, ça, ouais, bien entendu. Ouais. Ouais. Scandaleux. Écoute. Bon, bah écoute. Oui. Que je suis aussi libertine, enfin mon parfait. Toi aussi. Parfait, on ira au club échangiste comme ça tous ensemble mais toi, avec Jess. Rien à échanger. Hein. Jess m'a dit on pouvait aller à 3. Donc Jess oui mais Emily. Eh ben parfait avec Emily. Je vais gérer ça. Envoie polo@energie.com. Je vais gérer l'échangisme. Je vais vous échanger tous là-bas. C'est ça. Ouais. Bon Emily, merci d'avoir appelé. En tout cas, je te fais des gros bisous. Hein. Puis, je fais un bisou à toute l'équipe. Hein. Ça roule, moi salut aussi à toi. Un bisou. Tu vas d'abord nettoyer la peau, hein, parce qu'on se rend compte qu'il en reste encore un peu avant de faire le bisou, je veux dire. Hein. Bon, je t'embrasse, Emily, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Salut, on aura Melvin et retour de Boubacar dans quelques minutes. Et puis dites-nous, vous aussi les mecs, est-ce que vous avez déjà. Est-ce que vraiment c'est un kiff? Parce que bon, comme. Je vais pas dire comme Amina, parce que bon, moi je m'en fous, je le fais ou je le fais pas, mais ça dépend si la fille le veut, je le fais, mais je veux dire. Ah, toi, je suis sur deux mondes. Non, mais je veux dire. Je m'en branle en fait. Ça va pas me faire. Oui. Je vais pas plus kiffer de lui jacuer sur les seins ou sur le visage ou. Qu'ailleurs, je m'en bats les couilles. Donc, Tof, toi, c'est important que t'en aies rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre. Non, c'est que pour mes études. Non, mais voilà, c'est ça. Du moment que la meuf, elle est d'accord qu'on baisse, déjà, c'est déjà pas oui, mal. Oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Et ouais. Après, pour le coup, il y a donc des multiples études hein, qui m'ont énormément servi à faire des appels. D'université, c'est des universités. C'est des universités, hein, évidemment. Et des sexologues réputés qui disent que justement, le fait que le mec éjacule à l'extérieur, comme il voit qu'il a éjaculé, il est plus satisfait. Ah ouais. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein, moi. Non, on a compris. Polo. Écoute, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je m'en fous. D'accord. J'ai pas de. Je m'essuie parce que les cheveux, c'est fait pour ça. Les cheveux de femme, c'est pour ça que j'aime les filles avec les cheveux longs. Mais sinon, le reste, que ça part sur le mur ou dans le. Tu sais, quand tu vas à l'hôtel, moi. Je balance ça sur le mur, j'en ai rien à foutre. Dans les tentures. Évidemment. Bah oui, sur les papiers des impôts, tout ça. Mais non, pas les noms, ça se respecte les impôts. Attends. Évidemment. Oh là là, l'autre. Attends, Jean-Jacques qui suce le fisc, là. Je suis là autre chose maintenant. Mais il a raison, c'est des gens sympas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, appelez-nous au 01 40 71 5000 si vous avez votre avis à donner sur le sujet hein, ou sur un autre. Hein, vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 0071. D'autres appels mal intentionnés dans moins de 30 minutes. Plein de messages qui arrivent avec le hashtag Mickaël ou par SMS au 612, débutez le message par Mickaël également. On se fait le chéri, je peux te faire cocu. Après le son de LP qu'on écoute tout de suite sur Energy. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. sur Énergie, passez une bonne nuit tout le monde. Il est 1h05, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y aura Sia tout à l'heure, il y aura Jonas Blue également, ça va arriver. Et on se fait le chéri, je peux te faire cocu. La nuit te fait peur. Mais pourquoi ? Les cauchemars, les sueurs froides, des monstres, des ombres dans le noir. De quoi as-tu peur ? La nuit sombre et solitaire. Des sorcières, des fantômes, la tête de teuf. Que d'horreurs apparaissent la nuit. De quoi as-tu peur ? Et ces bruits, d'où viennent ces bruits ? Une impression, une sensation. Frissons lugubres. Dans la pénombre. Les pires choses peuvent arriver. Tu le sais. Alors, cache-toi. Ils arrivent. Mickaël. Toff, Polo et Amina. Toutes les nuits de minuit à 4 heures sur Énergie. Ouais, oui. Et on écoutera Jonas Blue comme promis aussi. Hein. You were looking at me like you wanted to stay. Il y a un message qui dit ma femme avale tout, ma maîtresse aime la faciale. Eh ben voilà, au moins c'est dit ça. Madison, comme qui ça, il peut alterner. Ouais, Madison qui dit bonjour tout le monde, éjaculation faciale, pas trop fan. Si franchement je suis amoureuse, je veux bien faire plaisir, il faut que ça reste occasionnel, je préfère avaler personnellement. D'ailleurs, un message qui disait oui, Amina n'aime pas le gâchis, elle préfère avaler. Oui, c'était les gants, une bien belle histoire. Alors, mais oui. Dans toutes les études qui m'ont servi à faire j'en peux plus ces études. Études là. Il paraît que c'est très nourrissant. Ouais, et j'ai reçu un message également qui disait pour rassurer Amina, le sperme dans les yeux ne rend pas aveugle. Merci beaucoup, c'est gentil. À ce qui paraît, Vincent McDoom se mettait du sperme sur son visage pour sa peau. C'est Anthony. Ah. Ouais, mais regarde, il avait une belle peau. C'est vrai. Salut à tous, faudrait expliquer ça à ma femme car j'aimerais bien qu'elle accepte, mais elle ne veut pas. Car pour elle, dit que c'est pas une chienne. C'est Tristan qui m'a envoyé le message. On l'appelle. Voilà, c'est doit être la sœur d'Amina, j'imagine. Hein. Juliette qui dit perso, j'y suis jamais allée, mais ça pourrait être l'un de mes fantasmes. Ah, j'imagine que c'est le club échangiste. Amina, elle kiffe la faciale a priori. Oui, Virginie qui dit merci à vous pour toutes ces barres de rire. Merci Virginie, merci pour ton message. Et alors, où est-ce qu'il est ? Podcast officiel qui dit aussi toutes mes amitiés à Maryse qu'on a eu. Les appels mal intentionnés, j'ai cru que c'était déjà le défouloir dans le polo show. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était un monsieur très recommandable et voilà. Très sympathique. Bon, on continue à lire tous vos messages sur les jacques faciales, justement. Si vous avez déjà participé, si vous avez déjà eu l'occasion de tester, que vous soyez un garçon ou une fille, vous aimez ou vous n'aimez pas, justement, 01 40 71 5000. On va se faire maintenant le chéri, je peux te faire cocu. Chéri, je peux te faire cocu avec Marine qui est avec nous maintenant. Salut Marine. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut. Mais tranquille. Bon, très bien, très bien. Bah, bienvenue Marine. Alors, chérie, je peux te faire cocu. On va faire ça maintenant. Et on va appeler qui, Marine ? Du coup, ton mec, ta meuf, comment s'appelle-t-il ? Telle copine. D'accord, ok. Elle s'appelle comment la copine ? Elle s'appelle Carole. Carole, t'es avec elle depuis combien de temps ? Ça fait un an, là, bientôt. Ça fait un an, d'accord, ok. Très bien. C'est elle qui t'a dragué ou c'est toi ? On va dire mutuel, on s'est cherché. Ah, vous vous êtes cherché, vous êtes reniflé le minou, c'est ça ? Exactement, on peut dire ça comme ça. Et laquelle des deux sent mieux ? Bon, je dirais les deux, c'est pareil, ça se passe bien. Les deux, c'est pareil, d'accord, ok, très bien. Exactement. Bon, tu fais quoi dans la vie, Carole ? Carole, c'est pas moi, c'est ma copine. Merde, elle fait quoi dans la vie, Carole, ça, je veux dire. Voilà. Elle est infirmière. Infirmière, et toi ? Ouais. Et moi, je suis commerciale. Commerciale, donc escroc, quoi. Oui. Moi, on peut dire ça comme ça. Bah oui. Tu vends quoi ? T'essaies de refourguer quoi en général ? Voilà, c'est de la boisson Orangina, donc ça va. Oh, d'accord, okay. Et quand est-ce que tu nous ramènes un petit peu, là ? Eh ben écoute, un soir, je passerai et j'en déposerai un petit peu lors de l'Orangina. Ah, et ben avec plaisir. Ben voilà, très bien, parfait. J'ai qu'une parole, par contre. Et ben voilà. Et ben très bien, et comme ça, tu pourras secouer Toff. Ah oui. Il paraît qu'il faut la sortir. Je suis méchant. Et puis déjà, voilà. Le corps ressemble à une bouteille d'Orangina. Et oui, c'est vrai en plus. Et franchement, si tu peux venir avec une petite décoration Orangina, on le mettra sur le corps de Toff et tu verras que ça ressemble. Alors, effectivement, en général, on dit que son corps ressemble à soit une bouteille de Perrier, soit une bouteille d'Orangina. Mais bon, c'est un peu le même délire, tu vois. C'est un peu fin au-dessus, un peu gonflé vers le bas. Ça ressemble un peu en termes de bouteille. C'est vrai en plus, hein. N'est-ce pas, Toff ? Tu serais ravi d'être déguisé en Orangina. Mais j'en rêve depuis que j'ai vu la pub dans le Flipper. Ah, et je tiens à signaler, on avait proposé ça à Perrier, ils ont refusé, mais peut-être qu'Orangina sera d'accord. Marine, si t'arrives à dealer ça, Toff est d'accord de se faire un tatouage Orangina s'il a du Orangina jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais ça marche pas avec Orangina. Pourquoi ? Non, ça marche pas avec Orangina. Bah, pourquoi ? Mais parce que ça marche pas. Oh là là. Mais au pire, c'est pas l'Orangina, t'auras de l'Oasis ou du Schweppes. Schweppes, ça marche. Mais comment tu peux boire cette boisson ? Je suis désolé, mais c'est quand même pas bon, quoi. C'est hyper bon. Oh. Ah si, tu bois un gin tonic, c'est super bon. Mais voilà, voilà une femme qui sévit. Un gin tonic, t'as dit, pas du Schweppes. Un gin, ouais. Bon, bref. Et écoute... alors, c'est avec du Schweppes tonic. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, hey, cela dit, Marine, donc si tu veux, Toff est d'accord de tatouer Schweppes s'il a une bouteille. Et ça, c'est quoi, c'est une canette par jour jusqu'à la fin de ta vie, c'est ça? Une canette par jour jusqu'à la fin de mes jours. Il est complètement con, ce mec, c'est pas possible. Moi, j'aurais dû une bouteille, mais une canette. Ah, une bouteille, bah voilà, Toff, une bouteille. Bah, une bouteille, une bouteille. Bah, voilà, mais je préfère le Schweppes en canette. Oui, bon. Parce qu'en bouteille, après, au bout d'un moment, il pétille plus bien. Marine, revenons, chérie, je peux te faire cocu, on dealera le reste après. Elle a quel âge, Carole? Elle a 32 ans. 32, et toi? Et moi, j'ai 25. D'accord, ok, très bien. Elle est jalouse, la petite Carole, là? Un petit peu beaucoup. D'accord, très bien. Elle est un bien. Petit peu beaucoup jalouse. Okay. Notamment quand je la préviens au dernier moment que je mange avec des collègues, ça l'a fait un peu chier. Ah, ça l'a fait chier. Et elle fait quoi, là, maintenant? Comment? Enfin, à cette heure-ci, elle dort, elle bosse, elle fait quoi? Là, elle est à la maison, là. Ah, là, t'es à la maison, d'accord, ok, très bien. Ouais, elle m'attend, en fait. Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci si t'es commercial, toi? Bah, moi, j'étais avec des collègues. Sans la prévenir, évidemment. Bien, évidemment. Eh bah, évidemment, ouais, oui, forcément. C'est pas drôle. Ouais, bah, forcément. Donc, tu vas lui faire croire quoi? Parce que, du coup, d'habitude, c'est chéri, je peux te faire cocu. Tu sais, genre, tu lui demandes si tu peux coucher avec quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, deux choix s'offrent à toi. Soit c'est Amina qui joue et du coup, bah, tu lui dis voilà, il y a une meuf que j'ai rencontrée à qui j'ai essayé de vendre l'Orangina. Elle m'a proposé ouais. de coucher avec moi juste un soir et tu lui demandes l'autorisation. Soit on peut faire une petite exception au jeu et tu peux lui dire que en fin de compte, voilà, t'as rencontré un client, Michel, donc moi, qui t'a et moi je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir et tu te dis oh bah pourquoi pas réessayer une bite. Bah franchement moi je suis plus d'accord pour ça, je serais tenté. Eh bah écoute, tant mieux, parfait, j'adore jouer avec au chéri, je peux te comme faire ça, bah voilà. Et bah voilà. Et elle est 100% gay ou est un petit peu hétéro quand même ou bi? Non, 100%, 100%. Ah d'accord, 100%, rassure-moi, 100%. Elle déteste les mecs, tout ça. Ah non, elle aime pas les mecs, non. Ah parfait. Bah très bien, parfait. Et tu ressembles à quoi, Marine? Alors bah, moi je suis une portugaise, petite, un peu bouboule. Alors, attends, moustache, bien sûr. Oh, toi. Non, j'ai enlevé des poils la sous les bras. Oh. Mais petite, ça fait quoi, 1m50? Non. Je fais 1m65 à peu près. Ça va. Belle morue, quoi. 1m65, c'est pas petit. Belle Amina, tu mesures combien? 1m12? 1m57. Ah, bah voilà, tu vois. Pour moi, c'est l'Everest, 1m65. Après, 1m65. Elle en a rêvé toute son adolescence. C'est la taille mannequin. Ah, mais vraiment. Ah, bah tiens, tu m'étonnes. Ok, 1m65. Très bien. Les cheveux noirs et les yeux noirs, j'imagine. Tu guesses, quoi. Non, les yeux marrons, les cheveux courts avec des mèches blondes. D'accord, donc mèches blondes, d'accord. Ok, très bien. Et le biceps, il est gros comment? T'es une lesbienne, quoi. Le biceps, c'est gros comment? Ah, il est un peu gros, le biceps. Ah, excuse-moi de poser la question, mais qui fait l'homme, s'il y en a un des deux qui fait l'homme, hein? Non, c'est pas... les deux, c'est un coup celle, un coup c'est moi. Et en fait, alors, est-ce que vous avez chacune votre gueule de ceinture ou vous l'échangez? Ça sert à quoi, ça, les gueules de ceinture? Ça sert à rien, ça. Ah, mais non, je sais pas, moi, je t'inquiète pas, elle a des gros doigts. Hein. J'ai l'impression de parler à Misto. Ouais, moi aussi. Ah, mais ça sert à rien, ça, qu'est-ce que c'est que truc? Misto, c'est un routier qui nous écoute souvent. Les Portugais, ils ont des gros doigts, faut pas oublier. Bah je sais pas, écoute. Moi-même je suis portugais, je n'estime pas avoir des gros doigts. Ouais, mais tu travailles pas dans la maçonnerie, c'est pour ça, t'as pas des parents qui travaillent dans la maçonnerie, quelque chose comme ça. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. Y a peut-être de ça, y a peut-être de ça. Bon, écoute. Bon, ne bouge pas, que c'est pas Polo qui le dit. C'est vrai. Marine, ne bouge pas, on va jouer dans un instant, on va se mettre un son et puis on appelle Carole juste après en espérant que ça gueule et si ça gueule, il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab E à gagner, c'est les nouvelles ou alors des Xbox One. Tu choisirais quoi Marine si tu gagnes? Entre l'Xbox et la tablette? Ouais. La Xbox. C'est plus de jeux vidéo quand même. Eh ben très bien. Bah alors bouge pas de là, on va faire ça dans un instant, on se met le son et je t'en prends après, d'accord? Ça marche. Bon bah très bien, bah bouge pas de là, on écoute Jonas Blue maintenant, il est 1h15, on est sur Énergie, c'est Mickaël, bienvenue si vous arrivez. On est au cœur de la nuit sans pub, on va récupérer Alexis, Melvin, Romuald et Boubacar après Jonas Blue sur Énergie. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.

Vas-y, donne-moi l'adresse, vas-y, si tu veux, donne-moi toute l'adresse. Donne-moi bon, tout, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton numéro de téléphone, toi. Alors, c'est 17. Non, mais je suis au boulot, là. C'est 17, enfin, c'est le numéro du boulot. Et en plus, je m'en bats les couilles, je suis en boulot, mais qui a réglé, là? Attendez, vous foutez. Mais non, mais attends, mais ça n'a rien à voir, c'est le numéro du boulot, c'est pas mon numéro. Ah, c'est le numéro du boulot. Ah ouais, c'est moins cher. Allez, vas-y, vas-y, donne-moi. Bah, attends, comme ça, c'est moins cher. Alors, c'est 17. Ouais. R. 7. U. E. Ouais, merci, rue, je suis pas stupide non plus, vas-y, rue, bah, après. Écoute, vu le début de discussion qu'on a eu, permets-moi de. Vas-y, allez, vas-y, vas-y, donne-moi le reste. Bon, P-E. Ouais. L-E. Ouais. T-A. C-T. Ouais. Pelletact. 17 rue ouais. Pelletact. C'est quoi ce délire? C'est vas-y, dans le 16ème, dans le 16ème. 16ème arrondissement en plus, hein. Eh, c'est pas un bourge, non, mais c'est quoi cette pute? Ça n'a rien à voir avec vas-y. Le fait d'être bourge, ouais, tu c'est sais. Pas grave, c'est bon, vas-y. Voilà, bon, vas-y. Donc du coup. Dans le 16ème. Ouais, donc bah oui, dans le 16ème, je suis déjà dit. Ma meuf. Maintenant, tu baisses pas avec elle, c'est mort, d'accord? Maintenant, voilà. Tu me passes ma meuf, après t'arrives tu dans combien de temps avec elle. Maintenant, tu me la passes. T'arrives dans combien de temps? J'arrive dans. Bah, je sais pas, moi, j'habite le 77, s'il te plaît, laisse-moi oh, bon, ça me laisse, plaît. Ça me laisse une petite heure, tu, trois ouais, quarts d'heure. Bah, ouais, ça te laisse une petite heure. Passe-moi bah, écoute, alors fais une heure, comme ça j'ai le temps de faire mon affaire et après tu la récupères. Moi, je compte ouais, pas la garder. Bah, non, non, tu me la passes. Non, non, ouais, je te la repasse. Marine! Tiens, je te la repasse. Ouais, c'est bon, on est d'accord. Par contre, elle vient de chercher, ce qui m'arrange. Non, non, je suis pas donc, d'accord. Du coup, rien du tout, rien du tout, je suis c'est d'accord. Dans une heure, quoi. Elle vient dans une heure. Bah, comme ça, là, on a le temps, tu vois, on va pas passer. Il y a pas le temps, il y a pas le temps. Passe-moi, Marine, là. On se fait une petite nuit, tu me fais une petite pipe, je te fais un cuni, petite pénétration, et puis voilà. Ouais, on se fera un petit, une petite sodomie si on a le temps. Ouais, bah, écoute, ouais c'est ça. En tout cas, ça va. Elle est même. Cool. Tout ce que tu veux, fais passer tes potes avec. Franchement, elle est cool. Comme elle ça, au moins, ça sera une belle pute, bien putain. Ouais, pour une bouine, elle est cool. Non, vraiment, elle est. Passe-moi maintenant mon ex, tu vois, ça sera encore plus fort. Passe-moi mon ex, ça sera plus simple. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de dire là? Je suis en train de parler à ta meuf là. T'es en train de parler toute seule là. Qu'est-ce que tu disais? Moi, c'est terminé, passe-moi. Tu disais quoi? Donne-moi, je vais lui dire quelque chose, j'ai quelque chose à lui dire là. Tu me la passes, s'il te plaît, putain, c'est bon. Je te la repasse, tiens. Allô, toi c'est cool, c'était d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Marie, écoute bien. Non, j'ai pas d'accord. Il a fumé quoi lui? Non, non. Toi et moi c'est terminé. Alors d'aujourd'hui c'est terminé. Tu vois ton écran plat, tout ce que t'as à la maison, je vais les bousiller. Mais non, elle va pas le faire. Elle a pas les couilles. Allez, salut. Allez. Elle a pas les couilles. D'ailleurs, elle a pas de couilles. Arrête. Ouais, vas-y, c'est bon. Je prends un soin. Allez. Non, y a pas pour une fois, c'est bon, allez, salut. Rentre chez toi, rentre chez ta mère, rentre chez tout le monde, je m'en bats les couilles de ta vie. Maintenant, toi et moi, c'est terminé, tu baises avec lui si tu rentres pas dans la demi-heure qui vient. Parce que t'as une demi-heure pour revenir. Dans la demi-heure, si t'es pas là, je te promets, ton écran plat, tout ce qu'il y a à la maison, je le brûle et je me casse. Et toi et moi, c'est fini. T'oublies mon numéro, t'oublies ma vie, t'oublies tout ce que tu veux. D'accord? Maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que t'es chiante alors? C'est Michel? Ouais, je suis chiante. Et toi, j'écoutais sur le haut-parleur. Mais écoute, c'est ce que tu veux, je m'en bats les couilles, j'ai rien à cacher, ouais. J'ai juste lui dit, je lui ai dit, c'est terminé, elle et moi. Si elle couche avec toi, c'est terminé. Je vais pas sortir avec une meuf qui baisse avec des gars, non? Donc tu préférais qu'elle couche avec l'autre meuf? N'importe quoi. Mais je veux qu'elle couche avec personne, je veux qu'elle couche avec moi, ouais. C'est quoi la vie? Bah peut-être que t'es chiante aussi. Tu vas la prêter, mais bien sûr, allez, mais vas-y. C'est pas un prêt, considère ça comme. Voilà, en gros, si ouais, tu veux. Mais bien sûr, je dois considérer. Mais vas-y, mais non, mais quoi, je signe. Bon, mais non, mais je c'est signe bon, chez bon, elle bon, pour bon. Acheter Orangina, Schweppes, tout le bazar là. Pour l'année complète. C'est un deal, quoi. C'est un deal, c'est pour le travail. Non, vas-y, je m'en bats les couilles. Je m'en fous royalement. C'est pour le travail. Lundi, tu donnes. Mais déjà, on est lundi déjà. Dis-moi ma gueule. Et alors mais lundi, ton travail, c'est déjà été commercial. Disons putain, que ça on joue à l'utile et l'agréable. Il n'y a rien d'utile, il n'y a rien d'agréable. C'est bon, à un moment donné, tu casses tes couples, normal, vas-y, t'arrives, hop, tu dis à ta meuf, vas-y, tiens, je te prête, vas-y. Allez, vas-y, prête-moi ta meuf, vas-y. Quand on aura une meuf, vas-y, tu me la prêtes et je la ferai tourner moi aussi. Allez, soyons fous. Bon, Marine. Oui. En tout cas, c'est pas toi qui portes la culotte à la maison. Non mais vas-y, on sent pas les couilles qui portent la culotte ou quoi. C'est pas ça le problème. Vous t'as couché avec des gars, c'est normal, je dois fermer ma gueule. Oh là là là là, quelle boulée parole. Attends, vous avez fumé quoi les deux là? Putain, stop. Écoute. Stop. Maintenant stop. C'est pour le boulot. Voilà, écoute. Maintenant, écoute. C'est pour le boulot. Écoute. Donc t'as vu, en plus je suis déjà courageux de t'appeler et te dire la vérité. Écoute, et écoute. Hein. Effectivement, j'ai couché avec ma situation, Marine. Tu retournes. Mais t'as fumé quoi toi? Tu fais quoi? Salut, au revoir. Mais ta mère. Arrête. Putain. Merde. Super bonne. Ah merde, putain, j'ai pas le temps de jouer avec les amis de Toff. Elle est pas le temps, elle a raccroché. Attends, on va la rappeler. Merde, attends une seconde. Hop là, qu'on me remette le numéro, je l'ai perdu. Non, mais elle va me tuer, faut la rappeler. Bah oui, on va la rappeler, on va pas te laisser dans la galère. T'inquiète pas. Moi, que ça peut être bon. Il a la maison, il a pas grand-chose après. Attends, on rappelle. qu'elle a annoncé qu'elle allait cramer la télé. Ce serait quand même con. Déjà que la semaine passée, il y a un mec qui a démonté la PS4. Ça a l'air d'être de la merde, la Marine. Allô. Ah putain, quoi. Allô. Allô. Oui, écoute. Non, mais pourquoi tu rappelles? Pourquoi tu rappelles? Pourquoi tu rappelles? Mais non, mais en plus, mais non, arrêtez, c'est bon. M'appelle plus. D'accord, oublie-moi, oublie tout ce que tu veux. C'est bon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais toi, t'as un gros PD, vas-y, va te faire enculer, PD, va. Tu vas comprendre ce que c'est, une bite de mon cul. Mais ta gueule, mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Vas-y, bon, Marie, tu vas te faire tourner, mon gars, putain. Putain, mais vas-y, ferme ta gueule. Tu veux quoi là? Pourquoi tu me rappelles? Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante! Bon, hé, hey, Marine! Ouais. Marine! Oui? Bon, reste calme, Carole! Bon, oui. Excuse-toi et je passe l'éponge! Mais rien du tout, je m'excuse! Mais putain, c'est pas possible, je suis dans quel monde, je dis! Excuse-toi et je passe l'éponge! Excuse-toi et je la baisse pas! Mais non, j'ai pas, je m'excuse! Non, excuse-toi et je la baisse pas! Excuse-toi et je la baisse pas! T'es sérieux là? Ouais? Bah attends, ce qui est normal! Non, il y a pas, je m'excuse. Bah donc, bah chantage donc, de merde. Bah, hey, vous me prenez vraiment pour un. Bah excuse-toi, excuse-toi, je la baisse pas. Waouh, putain, elle est où la caméra, s'il te plaît? Bah, il y a pas de caméra, on est au téléphone. Bon, excuse-toi, je la baisse pas. J'ai l'impression quand ta meuf elle t'appelle, elle dit baiser un mec, waouh, on trouve la balle. Oh là et en plus, le mec il dit ouais, excuse-moi. Bon, tu t'excuses parce que tu m'as mal parlé et j'aimerais des excuses. Ah parce que non, mais alors là, même pour rêve, j'ai fait normal. Ah bah, donc, j'ai jamais présenté des excuses à Marine, c'est pas pour toi, je vais te présenter des excuses. Bon, alors je la baise, alors je la baise. Mais je m'en bats les couilles, tu vas la baiser quand même. Elle est consentante, non? C'est pas moi, c'est elle, non? C'est ton corps, c'est sa vie. Oh là là là là là là là, elle m'a fatiguée, Carole. Quoi? Bon, c'est Mickaël, t'es sur énergie. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Vous êtes vraiment con. Putain, vous êtes vraiment con. Alors là, vous êtes vraiment con. Je trouve ça vraiment pas ça drôle. Est-ce que maintenant tu m'autorises maintenant à coucher avec un mec ce soir? Rien du tout, tu couches avec personne. Oh putain. Putain, connasse. Oh, ça va. Dis donc, t'es vénère, Carole, de A à Z. Franchement, t'irais bien avec Polo dans l'équipe. Il est toujours énervé aussi. C'est quelqu'un qui m'énerve vite. En plus, je tremble de partout là. Ah ouais, bah dis donc, on l'a bien vu. Bon, Marie, il va falloir la réconforter. Hein. Ah, mais oui, t'inquiète pas, je vais la ramener dans le bouquet de rôle. Un petit broutage de minou s'impose. Elle me ramène à manger. Je viens de jeter mon sandwich. Elle me ramène à manger. Ah, c'est ça que t'avais prévu à manger? Oui, je t'ai fait à manger. Tu parles à vieux sandwich tout maudit. Si, je l'ai fait au four, elle adore ça. Ah, t'as fait ou quoi? Je l'ai fait au four, je mets du fromage et tout. Après, je mets tout au four et. Ah ouais, putain, t'es une grande. Ouais, c'est oui, encore faut-il mettre le jambon et le fromage. Non, mais là, c'était un truc vite fait. Non, c'est, ouais, non, c'est vite fait. Bah, oui, c'est un truc vite fait. Ouais, bon, allez. Un week-end, ça. Bon, du coup, Xbox One pour vous, les filles. Vous allez pouvoir jouer. C'est cool, merci. Vous allez pouvoir jouer, vous insulter à des sympas. Ouais, voilà, c'est ça, bon, salut les filles. Salut Marine. Salut Carole. Je vous renvoie chez ses boss, ton art. Gros bisous. Ok, ça va. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu semaine prochaine, par exemple, eh ben, vous pouvez vous inscrire maintenant. Vous appelez Seba au standard 01 40 71 5000. Un message qui est arrivé. C'est une mytho. C'est pas Marine, c'est Marina et elle a pas 25 ans. Oui, bon, après, c'est un peu léger, hein, comme argumentaire pour prouver ou pas que c'est un mytho. Et encore une fois, là, on s'est marré. Même si elles avaient prévu le coup à l'avance, je m'en bats les couilles, on s'est marré, c'est le principal. Mais je pense pas, j'ai vu son adresse mail et c'était Marine et pas Marina. Hein. Voilà, donc, encore une fois, je m'en fous, hein, si vous pensez être bons acteurs et que vous voulez gagner le cadeau, bah faites-le, je m'en fous, soit vrai ou pas, tant qu'on se marre. On pourrait faire un concours comme ça. Hein. Ouais, voilà, ouais, ça peut être bien ça. Bon, allez, on écoute Sia maintenant et Kendrick Lamar, il est 1h34, on se fait les appels mal intentionnés après. Alexis, Melvin, Romuald et Boubacar, le retour. Et puis on est toujours au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur NRG, on est là de minuit à 4h. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, no, won't give up, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Allez, 1h38, on est sur Énergie. Passez une bonne nuit. Je vous mets dans un instant le son de Sopra. Il y aura aussi Chainsmokers. Et je vous mettrai le son de Sib tout à l'heure. Message de Philou le Bâché sur Facebook, sur MIKL officiel, qui est trop bon de vous écouter l'équipe. Coup de pelle au chien de la casse. C'est Philou le Bâché, avec plaisir. Voilà. MIKL, le roi de la route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Tof est là dans son autolib recouverte de caca de pigeon. Polo débarque dans son métro qui sent la pisse. Et Amina survole la ville sur son tapis volant. Il débarque toutes les nuits dans ta radio. Peu importe le moyen, l'important c'est d'aller au bon endroit. MIKL sur Énergie, de minuit à 4h. Exactement, et appel mal intentionné, on était sur ce débat depuis tout à l'heure et on va continuer. Évidemment, on aura Alexis d'ailleurs dans un instant qui voulait donner son avis sur l'éjaculation faciale, puisqu'apparemment 20% des filles l'acceptent volontiers et 35% continuent à trouver ça plutôt dégradant. Puis après, il y a les autres qui ne savent pas trop, hein, dont Amina qui est pas fermée à tester avec de nouveaux oui, mecs. Oui, évidemment. D'ailleurs, à Madrid, combien t'as pêché ou pas à Madrid un peu? Non, évidemment que non. Oh là là là. Bah non, là, non, là, non, là, attends, là, quand même, les amours de vacances de week-end, encore pire, non, non. Oh là là là là là là, putain. Qui a parlé d'amour. C'est ça, c'est que du sexe, hein. Bah oui, une bien belle histoire, encore une fois, merci. Bah mais quelle histoire, t'es pas obligé d'avoir une histoire. Bah si, il faut mettre du sens dans sa vie quand même. Du sang? Du sens. Ah, du sens. Avant, arrière, avant, arrière. Je me dis, ça y est, elle a des fantasmes. De trucs avec des règles, c'est dégueulasse. Bon, et donc du coup, Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils pratiquent l'éjaculation faciale. Et bah allons-y. Et continuez à nous donner vos avis si vous avez déjà pratiqué, si vous avez aimé ou pas aimé, les garçons, les filles. 01 40 71 5000. On y va, c'est parti. Un numéro qui nous a été envoyé sur le mail de Tof. Continuez si vous en avez d'autres. C'est toph@energie.com. C'est parti. Go. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimez l'éjaculation faciale. Comment? Est-ce que vous aimez l'éjaculation faciale? Je comprends pas, c'est joli. Mais c'est pas grave, je vais vous rappeler. Comment? Je vous rappelle. Oui, elle avait un très très bon téléphone. Nous allons la rappeler. Effectivement, je pense que c'est une meilleure idée. On y retourne. Bon, j'espère qu'elle a vraiment un problème de téléphone et que ça sera réparé. Ferme ta gueule, Oh non, madame, ça se dit pas des choses comme ça, enfin, pourquoi vous dites ça? C'était gratuit. Bah, t'as vu comment vous parlez, vous? Bah oui, moi je veux juste savoir si vous aimez l'éjaculation faciale, madame, c'est rien de grave. Et tu veux une claque dans la gueule ou on attend un peu? Ça se passe comment chez vous? Bah non, moi je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Mais tu sais que j'ai ton numéro, hein, depuis que t'es mort. Oui, oui, mais ça vous empêche pas de répondre à la question. Mais ferme ta gueule, et tu as jamais pris un coup de poing dans la gueule, toi? Non, jamais, je devrais. Ouais, bientôt, ça va t'arriver. Ah, d'accord, mais du coup, pour ma question, alors? Mais ferme ta gueule, c'est bêtiche. J'ai pas compris, vous avez essayé de dire quoi? T'es chelou. Mais non, je suis pas chelou. Si, t'es chelou. T'es... Non, non, je suis pas chelou. Je suis pas chelou, man. Ferme ta gueule, t'es chelou. Je te dis, parce que toi, tu vas mettre un coup de poing dans la gueule. D'autres, tu vas t'enfermer dans une cave, toi, bientôt. Oh non. Mais non. Tu verras, je vais me prendre une grosse bite par un mec. Ah non. Mais non, pédé, madame, ça se dit pas, c'est homophobe. Et je ne suis pas homosexuel. Mais par contre. Par contre, quand je vais te voir, tu vas prendre un coup de poing dans la gueule, tu vas faire dodo, par contre. Et ça, je vais te demander si t'as déjà pris un sperme dans la tronche. Mais non, mais moi, je suis pas violent, madame. Moi, je veux juste une réponse. Attends, tu me connais pas, tu veux dire ça à moi? Non, mais... Bah oui. Hey, on n'est pas élevés les cochons ensemble, je crois pas, chérie. Non, non, non, c'est pas qu'on ait élevé les cochons ensemble. Moi, je veux juste savoir si vous êtes un peu cochonne et que vous aimez bien en recevoir sur le visage, c'est tout. Ouais, ouais, mais on verra bien la cochonne, qu'est-ce que va faire. Et vous allez me faire quoi? Mais ferme ta gueule, tu comprends ça? Non, je comprends pas, madame, parce que moi je vous pose une question gentiment, la moindre des choses c'est d'y répondre. Je réponds pas à ta question bête. Mais elle est pas bête ma question, madame, enfin pourquoi vous dites ça? Bon, ça se passe comment? Tu veux une claque dans la gueule? Non, on attend un peu. Bah non, moi je veux pas de claque dans la gueule, je veux juste une réponse à ma question. En fait, tu t'es barré chez les fous. Mais pas du tout, je vis chez maman. Je suis au chômage. C'est quoi ça? Hein? Bah, c'est quoi? D'être sur terre. Excusez-moi, je comprends pas, vous dites quoi? T'es un branleur sur terre. Mais pas du tout, pourquoi je serais un branleur? Moi, je veux juste avoir une réponse à ma question, c'est pas compliqué quand même. Et je m'en bats avec ta question, branleur. Bah oui, c'est moi qui veux la réponse, madame, enfin c'est pas compliqué. Ouais, t'as des parties. Eh, t'es sorti de chez les fous en fait, non? Mais pas du tout. Si, je crois que tout à l'heure les pompiers qui m'ont appelé pour demander. Ouais. Essayez avec Kimon pour voir. Hein? Tout à l'heure, il y a les pompiers qui m'ont appelé. Ouais, un pompier qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a demandé si voilà, c'est mieux comme ça. Comment? Non, je dis c'est mieux comme ça. Parce que ça m'écorchait un peu l'oreille juste avant. Quoi? J'ai entendu ça encore. Mais pas du tout, enfin arrêtez de dire ça madame, ça me blesse, c'est gênant. Moi j'essaie de vous apprendre à parler français correctement en plus. Mais elle est complètement barrée, elle comprend pas ce que tu lui racontes et je crois qu'on comprend j'essaie pas ce que tu lui racontes. J'essaie juste de lui apprendre que quand il y avait un pluriel, il fallait accorder. Oui, enfin, bah, c'est ça, rien on a de... compris. Bon, on la rappelle encore une fois, j'espère que son son sera meilleur parce que j'ai quand même l'impression que ça coupe. C'est moins mauvais que la première fois qu'on l'a appelé, mais malgré tout. Bon, réessaye, on va voir. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Pas de connerie. Bah, non, mais c'est parce que moi, vous m'avez toujours pas dit en fait si vous aimiez ça ou pas. Oh, ferme ta gueule, parce que toi, tu vas bien aimer, tu vas prendre un coup de poing dans la gueule. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, mais ça répond pas à la question. Tu vas bien aimer dans une petite cave et t'attacher. Ah oui, j'adore ça. Avec des mecs peuvent se violer à quatre pattes. Ah non, ça par contre, j'aime pas. Ah si, je sais que t'es un PD. Ah non, non, arrêtez de dire ça, un PD c'est homophobe, madame, ça se dit pas. Bah, parce que t'es un PD, t'es un PD en vrai, non? Non, pas du tout, je viens de vous dire que ça se disait pas, PD, madame, c'est homophobe. Mais ferme ta gueule! Bah non, moi je veux pas fermer ma gueule, moi je veux avoir une réponse à ma question. Après, je vous souhaite une bonne soirée, on se fait un câlin et puis on n'en parle plus. Comment ça tu vas me faire un câlin? Mais t'as craqué toi, mais t'es chelou. Bah pour souhaiter une bonne nuit. Et tu vas me souhaiter bonne nuit, demain tu vas m'appeler pareil? Ah bah ça dépend, vous voulez que je vous appelle? Non, tu vas aller passer mon numéro plus vite que prévu, hein. Bah oui, mais alors répondez à la question, sinon moi je vais être obligé de vous rappeler, hein. Et moi je... On a coupé dans la gueule, mon gros. C'est un gros. Et non, arrêtez de dire ça, c'est pas gentil. Ah, parce que tu flippes dans ton pantalon, chérie. Bah non, je flippe pas, moi je voudrais juste avoir une réponse à ma question. T'es un mec, toi, non? Oui, oui, je suis un garçon, oui. Et t'as quel âge? J'ai 35 ans. Mais t'as 35 ans et tu parles comme ça? Oui, bientôt 36. D'accord, quand? C'est quoi ton anniversaire? C'est le 3 octobre. Vous voulez me faire un cadeau? Ouais, t'as qu'à, je vais te faire un beau cadeau. Oh, c'est gentil ça, madame, ça me fait plaisir. Oui, on va faire un petit stage dans la classe bientôt. On va prendre goût avec leur bite dans la bouche. Ah, donc vous, vous aimez la faciale? Je te répondrai pas à ma question. Non, c'est ma question. C'est ma question en fait, c'est pas la vôtre, c'est ma question. Eh ben, je te répondrai pas à ta question non plus. Bah pourquoi, madame, c'est pas gentil? Bah, je suis pas gentil, mais on verra bien si je suis pas gentil. Bah oui, là je le vois bien que vous êtes pas gentil, vous répondez pas à la question. Mais je suis pas là pour être gentil avec les gens déjà au commencement. Alors tu fermes ta gueule et tu te lèches les pieds. Mais pourquoi vous voulez que je me lèche les pieds? Ça a aucun rapport. Comment? Bah, je vois pas pourquoi vous voulez que je me lèche les pieds, ça n'a aucun rapport. Mais ferme ta gueule et va jouer au bis. Bah si vous voulez, mais ça répondra pas à ma question. Et je m'en bats les couilles, c'est une question de merde là. Vas-y, ta grâce. Oh non, madame, arrêtez d'être vulgaire, ça se fait pas. Bah vas-y, insulte. Je me vois. Bah non, moi je veux pas vous insulter, je veux avoir une réponse à ma question. Mais quelle question de merde là? Bah savoir si vous aimez l'éjaculation faciale, c'est tout. Je comprends pas, je sais pas ce que veut dire quoi. Bah c'est quand votre mari, en fait, à la fin, il jouit sur votre, votre visage. Déjà une, j'ai pas de mari et ça, c'est pas ça. Oui, mais enfin, quand vous avez un mec, est-ce que vous aimez bien qu'il vous jouisse dessus? Il m'a jamais fait ça, alors ferme ta gueule. Ah bah voilà, c'est ça, en fait, vous savez pas. Bon, bah vous essayez, je vous rappelle demain. Ah vas-y, ferme ta gueule, parce que tu vas te prendre une claque dans la gueule. Ça va faire tout le monde de la France. Eh bah parfait, alors on fait comme ça, madame, à demain. Ouais, à demain, mais oublie pas que dans une heure. Oui. On est 24. D'accord, et eh ben parfait, on fait comme ça, madame. Allez, à demain. À demain, mon numéro PD. Non, je vous ai déjà dit, c'est homophobe, madame, vous pouvez pas dire ça. Parce qu'en vrai, t'as un PD. Mais... avoue-le que t'as un PD. Mais pas du tout. Pas du tout. Allez, arrêtez de dire PD, madame, c'est homophobe, je vous l'ai déjà dit. Ouais, t'aimes bien les PD ou? Mais arrêtez avec ça. Allez, je vous rappelle demain, on s'embrasse, on se fait des poutous. On fait pas foutou. D'accord. Allez, bisous, bisous. Allez, bisous, bisous. À demain. À demain. Bisous, bisous. Non, c'est homophobe. Non, mais elle a raccroché. Oh, heureusement d'ailleurs, elle était complètement barrée, elle était complètement bourrée, c'est pas possible. Je pense. Il y avait un problème quelque part. Bon, si vous avez notre numéro de téléphone, envoyez-les, on en appellera d'autres dans moins d'une heure. 01, non, vous envoyez ça sur le mail de Tof, pardon, touph@energie.com. Bon, promis, cette fois-ci, Alexis, Melvin, Romu et Boubacar reviennent juste après le son de Soprano. Il est 1h49, au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur Energie. Passez une bonne nuit. Je suis en Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car sors de la piste, je fais le grand dégât de bandage. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Oh, appelle les pompiers. Oh, appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Quelle sur énergie. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Ouais, toute la semaine et puis le dimanche aussi de 20h à minuit. D'ailleurs, on fera le tirage au sort dimanche soir entre 20h et minuit pour vous offrir la Xbox One S qu'on vous offre sur le Facebook de l'émission. Voilà, si vous voulez tenter votre chance, venez nous rejoindre. Petit like sur la page si c'est pas fait. Vous tapez M-I-K-L officiel. Message qui est arrivé aussi. Plié en deux dans la voiture sur le chéri, je peux te faire cocu. C'est Christophe le boulanger. Merci Christophe. Il y a Edouard aussi. C'est bon de vous écouter la nuit. C'est bon de bosser les nuits aussi. Vive les routiers. Salut à vous. Bonsoir l'équipe. Vous me faites trop rire, je suis agent de sécu, je dois faire ma ronde à pied. Fais chier, je vais louper une partie de l'émission. C'est Sébastien de l'Aube. Ah merde. Il y a les podcasts. Bah il y a les podcasts aussi. Tu vas pouvoir réécouter bien sûr dès la fin de l'émission vers 5h du matin à peu près sur énergie.fr ou directement sur l'application, hein, sur l'application énergie que vous pouvez télécharger gratos. David aussi, je vous écoute depuis dans mon poids lourd, pardon, toutes les nuits, vous déchirez, c'est gentil. Amina a une jolie voix, vive l'éjaculation faciale. Ah bah merci. Ah bah merci. Voilà. Et on va prendre Alexis qui avait son avis, aussi par rapport à l'éjaculation faciale. Alexis, 23 ans à Paris, salut Alex. Yo, ça va? Yo, ça va et toi? Wow, on a un américain là. Yeah man. Yo man. Je crois que c'est depuis les Benny B que j'ai plus entendu yo. Ouais, mais moi aussi, hein, de la même manière. Ça fait longtemps. Je me disais que t'aimais bien Benny B. Non, pas spécialement. Okay. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Benny B est un groupe belge de rap qui est sorti dans les fin des années 80, début 90, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ceux qui chantaient Mais vous êtes fous. 94, ouais, 93-94. Ah non, avant. Non. Benny B, mais vous êtes fous. Alors attends, j'allais vérifier. Voilà, on va vérifier. Et je rappelle que si aucun de nous n'a la bonne réponse, c'est Seb au standard qui paye à bouffer demain. D'accord, ok. Mais c'est si vous voulez. On parle des expériences ou pas? Attends. 1990. On peut mélanger les deux. Ah, on est au milieu. Ouais. Eh ben très bien. Seb paye demain. C'est ça que vous voulez? Bah vous allez l'avoir. Voilà, vous la payez demain. Eh ben très bien. On peut te dire que demain il va payer. Alors ce chien. Mais vous êtes fou? Oh oui. Voilà, c'était ça le principe du délicieux. Bah c'était ça le principe. Mais c'est gênant quand même. Mais c'est ça la musique. T'étais même pas née, Amina. Oui, mais je connais quand même. Ah quand même. Bah oui. Ah quand même. Donc elle ne pratique pas que l'éjaculation faciale. Elle a également un peu de culture. Voilà. Bon Alexis, bon raconte-nous un petit peu. Chacun son Jordi. Hein. Ah bah c'est sûr. Bon ça ira, ça va. Jordi, bon, le petit là qui chantait. Bon bref. Bon moi je voudrais vous parler d'un problème assez exceptionnel. Dis-moi. En gros, j'ai commencé à faire des trucs un peu étranges avec ma meuf. Enfin c'est-à-dire éjaculation faciale. Ouais. Bah, c'est pas étrange hein, globalement. Hein. Non mais c'est pas étrange, mais globalement c'était moyennement chaud si tu veux. C'est que à la base faut la convaincre. D'accord. Il faut pas faire ça avec sa vraie meuf. Mais ouais, mais moi faut pas salir ça. Non, ça bah les jacques faciales, ça va encore. La dernière fois que j'ai trompé ma meuf, elle m'a grillé. Donc je le fais avec la vraie. Et donc, du coup, elle s'est dit, ton sperme a une odeur bizarre. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais peut-être pas le faire plusieurs fois. Et je me suis masturbé dans la douche et ça a fait des grumeaux. Oh. Comment ça, des grumeaux? Non, mais faut pas se moquer. Non, mais on se moque pas. Mais Tof te l'a dit, il faut boire beaucoup d'eau pour que ce soit plus liquide. Ouais mais non mais Amina a fait une espèce de Bah oui. Donc, parce que grumeaux ouais, parce qu'en fait je visualise une pâte à crêpes là, c'est pour ça. Ah ouais ah, mais oui. En fait, finalement, quand t'éjacules ça va, mais c'est quand l'eau passe dessus que ça devient des grumeaux. Et donc c'est très étrange et je voulais savoir si c'était un peu en fait si j'ai une maladie ou si globalement Non tout bah, va bien. Après, normal, on n'est pas ça. Médecin Alexis hein mais maladie. Non mais je suis pas médecin. Pas non mais non bah écoute essaye de boire de l'eau après je pense. Mais qu'est-ce que t'appelles grumeaux? Ben non mais ce que j'appelle grumeaux c'est qu'en fait finalement c'est... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'appelles pas grumeaux toi? Non mais ça veut rien dire. Est-ce que t'avais des espèces de morceaux? C'est quoi l'histoire? Non. Grosso modo, en fait finalement quand je jouis, bon y a pas de souci, mais c'est au contact de l'eau, donc quand ça finalement, enfin je te donne un côté un peu dégueu, hein, mais quand ça tombe dans la baignoire, à la base liquide et après ça devient grumeauteux sitôt que l'eau tombe dessus. Ouais. Oui, mais c'est normal. Mais oui. C'est normal? Bah oui, c'est pas oui. Bah d'accord, ok. Bah donc. Attends, à quel moment tu peux. T'appelles énergie pour m'afficher. T'appelles énergie pour quoi? Je m'affiche en fait. Mais non. Bah non, t'es pas censé savoir. Non, bah non, tu poses la question, mais pour le coup, je me suis pas spécialement posé la question avant non plus. Hein. Mais bon, toi, étant un spécialiste, grâce à ces innombrables expériences, effectivement. Non, bah par contre, moi, j'aime bien me branler sous la douche, donc oui, je peux te confirmer ça de le sperme au contact de l'eau, ça fait des grumeaux. Ah bah voilà. Okay, voilà. Donc tout va bien. Donc tout va bien, Alexis. Mais qu'est-ce que t'as comme obsession avec l'audience, Alexis? T'appelles pour poser une question, on répond à ta question, on soit plutôt content. Alors, je t'explique. En fait, demain, je vais bosser à l'ESPE. Tu sais ce que c'est? Non, je m'en fous un peu. En fait, c'est pour passer de capette. Donc je vais devenir prof. D'accord, c'est bien. Et donc tu viens nous parler de branlette. Non, et c'est ça l'emmerde, c'est qu'en fait, j'ai peur que tout le monde me grille. Non, mais tu vas passer un concours, Alexis. Alexis, 23 ans à Paris, je crois que t'es pas le seul. Et les gens dorment à cette heure-là parce qu'il y a un concours demain. Ouais, et ouais. Ils se reposent, ils essaient de se mettre bien, quoi. C'est ça, ouais. Non, en fait, le concours n'est pas demain. Le concours est en janvier, mais le problème, c'est que moi, je vais en cours demain. Oui, non, mais c'est pas grave. Bah, justement, tu nous diras demain si on t'a reconnu. Ok. Comme ça, on verra si. Mais en même temps, Alexis, on a l'impression que c'est notre faute. C'est toi qui nous as appelé, hein, je sache. Mais les gars, je vous pose juste des questions. Mais on t'a répondu, Alex. Quel est le problème? Absolument, non mais moi je demande. Hein, c'est ah non, bah voilà. Bah voilà. Parce que sinon, éventuellement, Toff peut te faire une petite éjac faciale afin que tu puisses te rendre compte sous la douche pour te rendre compte qu'également lui-même a des grumeaux. Pour des raisons scientifiques. Hein. Évidemment, tout ça c'est partie des études. Qui peut me faire une éjac faciale? Bah Toff, évidemment, avec plaisir. Alors moi je préfère en fait finalement qu'on passe sur le visage de ma meuf. Ah bon, écoute, oui, si bah, Toff peut éventuellement faire ça sur le visage de ta meuf. Bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis pas jaloux. Voilà, pas c'est d'emmerde comme ça, toi. Alors, finalement, vous confirmez, parce que en fait, c'est ça le sujet de mon appel, c'est que c'est normal, quoi. Oui, c'est normal, Alexis. Enfin, c'est pas anormal, en tout cas, donc t'inquiète pas. En même temps, je vois pas comment tu peux trouver une maladie parce que tu éjacules, donc le sperme est sorti, hein. Il est balade. Voilà, tu mets de l'eau. Il fait sa vie. Tu mets de l'eau dessus, ça fait des grumeaux. C'est pas grave. Je te donne le début de mon adolescence. En fait, je me masturbe, j'ai 14 ans, dans mes mouchoirs, et c'est tout liquide. Et puis un jour, je décide de dire « Ah, j'ai 19 ans, je vais me branler sous la douche. » Et là, il y a des grumeaux. Oui, mais voilà, mais c'est par rapport avec l'eau, c'est la différence entre le mouchoir et ça. Du coup, je me dis, c'est quand même vraiment bizarre. Donc, je me dis, avant d'aller chez le médecin, je me dis, bah, je vais peut-être appeler Michael, qui est assez ouvert d'esprit. Oui, bah, après, ouvert d'esprit, oui, mais comme je disais, on n'est pas médecin, mais voilà, on a la chance d'avoir Toff qui a testé sous la douche et qui, lui aussi, s'est rendu compte qu'il y avait des grumeaux. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde dormira tranquille. Toi, t'es pas malade, a priori, en tout cas. Et puis voilà, et puis on a aidé notre prochain. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est beau. Voilà, nous avons aidé notre prochain, et ça, c'est le principal. Si t'as vraiment un souci, va voir un vrai médecin. Oui, ça, après, c'est un bon conseil aussi, ouais, tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, Alexis, bah, merci d'avoir appelé. Bonne chance demain avec le cours, là. Et puis, bah, tu rappelles quand tu veux, Alex. Salut à toi. À bientôt, Alexis. Ciao. Retour avec Boubacar. T'es toujours là, Boubacar? Ouais. Boubacar qui nous avait appelé là. Donc Boubacar qui nous avait appelé parce que sa meilleure amie voulait coucher avec lui. Lui n'en voulait pas parce que elle ne lui plaisait pas techniquement. Elle n'est pas un gros cul. Voilà, c'est ça. Ah, pas un gros carrément. Et donc du coup Boubacar, tu voulais savoir si en gros tu devais lui mentir ou pas lui mentir. Donc je serais tenté de dire mens-lui si tu suis les conseils du polo. En général, est-ce que je dois dorénavant mentir à toutes les femmes? Ça dépend des situations. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas mentir pour gratuitement comme ça à Boubacar. Ouais. Non mais ouais. Non mais ça dépend effectivement, comme dit Polo, ça dépend de la situation. Si ta meuf te demande quelque chose, bah si tu sais que ça lui ferait plaisir et que globalement le mensonge c'est pas un mensonge qui va faire du mal à qui que ce soit. Bah, tu peux le faire, ça lui fait plaisir. Maintenant, après, il faut pas lui mentir pour lui mentir gratuitement. Si tu fais un truc qui va lui faire de la peine, c'est pas la peine de lui mentir. J'ai un exemple. Par exemple, une meuf, elle arrive, elle s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. D'accord? Ouais. La plus de 90% des mecs ne s'en rendent même pas compte qu'elle s'est fait une teinture. Pas faux. Ou elle s'est coupé les cheveux. Bon. T'arrives. Pas une boule à Z, mais elle se coupe les cheveux. La coupe, elle lui va pas, elle a une tête de pigeon avec la coupe et tout, elle est dégueulasse. Et bah, tu dis, c'est magnifique. Voilà. Parce que si tu lui dis, ça te va bien la coupe, si tu lui dis le contraire, et ben, elle va foutu, pas, elle va pas dire, putain, c'est sympa, le mec est honnête, à dire, ouais, fais chier, le mec, il a des goûts de chiottes, nanana, on l'est pas fait pour son temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moralité, la nouvelle coupe, c'est toujours bien. Sauf si tu vois que la meuf trouve ça dégueulasse, à ce moment-là, tu lui dis, non, c'est bien, bon, bah voilà. T'sais, après, t'enchaînes un petit truc, genre que t'es un peu d'accord avec elle, mais qu'au final, finalement, c'est pas mal, ça change un peu, blablabla, tu vois. Voilà. Ah, ok. C'est ce qu'on dira à Amina d'ailleurs le jour où on va revenir avec une nouvelle coiffure. On dira, oui. Ah, c'est génial. C'est génial. Et encore, ça, c'est si on le voit. Et, oui, si, voilà. Bah, si Polo remarque ce genre de choses. Ouais. Moi, pas trop souvent, toi, alors. Oh, moi, je vais demain, tu viens en blonde, qui verra pas les différences. Hein. Oh, bah, j'imagine, oui. Alors là, vraiment. Alors, si là, au bout de deux semaines, dis-moi, tu sais pas passer un truc dans tes. Oui, c'est ça. T'as mis des lentilles, non? T'as dû mettre des lentilles. Bon, donc, Boubacar, écoute, mens-lui, enfin. Tu peux mentir, mais c'est pas nécessaire. Fallait pas lui dire. C'est voilà. Au feeling. Après, tu devais pas effectivement lui dire qu'elle te plaisait voilà. Pas. Voilà. Tu pouvais simplement, comme je le disais, lui mentir en disant que tu voulais pas risquer ta relation avec elle, ta relation voilà. Amicale, etc., voilà, etc. Au final, elle aurait été contente parce que t'étais un mec bien qui voulait pas risquer l'amitié que vous aviez ensemble. Et voilà, tout s'arrangeait. Voilà. Mais non, il a fallu que tu ouvres ta gueule et que tu lui dises oui, non, tu me plais pas. Et ben, forcément, elle l'a mal pris. Il y a une façon de dire les choses. Mais évidemment, qu'il y a une façon de dire les choses. Donc, Ouais, je vois. Bah oui, qu'est-ce qu'on te dise, Boubacar, il n'y a pas de solution, enfin bon. Bon, tu es au courant, Boubacar? Ouais. Parce que là, je suis sur la béquille, là. Ouais. C'est mon snap. Si tu veux, vas-y, là. Donc, ça veut dire qu'il bande comme un ouf et qu'il a envie de baiser, quoi. Globalement, c'est ça. Non, mais vaut mieux faire le bon résumé, quoi. À moitié, on va dire. Bon, alors vas-y, Boubacar, c'est quoi ton snap? Ouais. C'est Bangala, 162. Ça veut dire quoi, Bangala? Demande aux auditeurs, ils vont te répondre. Bah, Amina, la snap, elle va t'inscrire direct, là. Vas-y. Non, après, je vais encore avoir des trucs bizarres, moi, j'en peux plus. Voilà, Bangala, 162, c'est ça? Ouais. Très bien. Amina, va te follow immédiatement. Ok. En plus, c'est de Paris okay. aussi, donc... Autant dire que c'est une affaire qui roule. Non, mais j'annonce, le moindre zizi que je reçois, vraiment, ça va mal se finir. Moi, j'en peux plus. Non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre. Oh putain. Bon, salut Boubacar. Salut Mickaël. Ciao à toi, gros. Nora Ramuel dans un instant, Melvin, et une surprise pour ce soir, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus, tiens. Le retour. On va également se faire le jeu du partons pas fâché. Si vous voulez jouer, 01 40 71 5000. Vous appelez, vous passez, c'est pas plus compliqué que ça, il est 2h04, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Chainsmokers. Hey. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. Closer in the backseat of you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, on est là jusqu'à 4h du matin. Parce que la nuit c'est le désert à la radio, personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais... Attention au mirage. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Exactement, et le dimanche aussi de 20h à minuit à partir de ce dimanche. N'oubliez pas aussi que je vous offre l'iPhone 7 ce soir ou demain ou après-demain ou peut-être tous les soirs, on sait jamais. Pour ça, faut jouer avec nous au double hit. Le double hit, c'est simple, ça se passe n'importe quand dans la journée, même le soir, la nuit, peu importe. Dès que vous entendez le son de Gnash enchaîné avec 21 Pilot, c'est ça. Voilà, enchaîné avec ça. Et bah faut envoyer Mickaël espace double, puisque c'est le double hit, hein. Mickaël espace double et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez soit avec les places de concert pour le concert Énergie de 21 Pilot, soit avec l'iPhone 7. Si vous voulez jouer avec nous, bah restez bien attentifs. Dès que vous entendez les deux sons enchaînés, attention, pas dès que vous entendez le premier, il faut attendre que le second arrive, vous envoyez Mickaël espace double et votre numéro de téléphone au 6 11 12, même numéro pour la France et la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. On va également jouer au jeu du Partons pas fâchés dans quelques minutes. Si vous voulez là aussi vous inscrire, c'est facile. 01 40 71 5000, vous appelez, vous passez. Et on va également prendre Romuald qui est avec nous maintenant à Toulouse. Salut Romu. Salut. Comment va la ville rose? Ça va tranquille. Tranquille. Et vous? Eh ben tranquille, tranquillement également, tranquillement. Bon alors Romu, raconte un petit peu. Et tu voulais réagir par rapport au grand débat de Toff, donc hein, sur l'éjaculation faciale. Le grand débat, ouais, débat qu'il... Oui, bah, tout à fait, oui. Grand débat qui a été lancé donc dans les appels mal intentionnés. Alors, en parlant de ça, il y a un message de Riffo sur le Twitter qui dit les appels mal intentionnés, c'est trop de la bombe. Je suis trop plié, faut en faire plus. Je suis routier, vous êtes là, je vous adore, je vous écoute tous les soirs. Bah, c'est gentil. On va pas en faire plus parce qu'une fois par heure, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Oui, et puis bon, ma pauvre maman, pense un c'est peu. C'est ça, Marès qui se fait insulter à tout bout de champ là. Moi, j'accuse mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Voilà. Ta gueule, Toff, de mon cul, oui. Voilà, et même quand c'est pas Marise ou Toff qu'on insulte, c'est toute la famille. C'est toi, ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, ta petite soeur. Non, pas ta petite soeur, ta grande soeur. Et là, on peut imaginer qu'en fait, il s'est trompé, enfin qu'il s'excuse, il s'est rendu compte en traitant la petite sœur de Toff, etc. Il a fait marche arrière, non pas par politesse, mais parce qu'il s'est rendu compte que Toff n'a pas de petite sœur. Voilà. Tu vois. Enfin, s'il a une sœur, qui est certes une petite sœur, mais il n'a pas une sœur plus une petite sœur, ça je veux dire. Par contre, il sera bientôt tonton. Paraît-il. Ah, va-t-il ? J'espère qu'il n'y aura pas d'insultes à ce sujet, bien entendu. Hein. Ah bah non, ça se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas, effectivement. Bon, Roxane d'ailleurs, c'est ça le prénom de... Normalement. De la... Ah, pourquoi ça... Le mari s'est mis son nez dedans. Je ne polémiquerai pas sur ça. Bon alors, Romu, raconte un petit peu les jacques précoces. Les jacques précoces aussi, cela dit. Les jacques faciales, t'en penses quoi, toi? Bah en fait, j'aime bien ça, mais dans les cheveux, tu vois. Dans les cheveux. Ah bah, point comme avec Polo, alors. Ouais, c'est kiffant, tu sais, tu connais le film Marie à tout prix? Ouais. Ouais, c'est un peu dans le même délire, tu vois, j'aime bien coiffer les filles après et tout. C'est... Ouais, c'est un peu naze, parce que c'est un accident et elle retrouve du sperme et elle pense que c'est du gel. Mais c'est naze, ça. Non, mais moi, j'aime bien les coiffer après. Ouais, ouais, bof, ouais. Non, mais c'est kiffant, quoi, attends. C'est kiffant de quoi, en fait? Bah, c'est kiffant, je sais pas, on dirait une Barbie tête à coiffer et après tu la coiffes, c'est tout, c'est kiffant. Ouais, enfin, je vois pas trop le enfin... Bon, déjà, je vois pas trop l'intérêt, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de faire une éjac faciale ou quoi. Bon, voilà, encore une fois, si c'est un délire, si la fille veut, bon, voilà. Comme on l'a eu Émilie tout à l'heure, qui elle adore, bon, bah, tu vois, c'est sur une meuf qui effectivement adore, why not, tu vois. Ça Ah oui, il faut pas lui refuser son plaisir. Non, mais c'est pas ça, je veux dire, ça m'en fout. En fait, tu vois, que ça arrive là ou là, ça me dérange pas. Mais dans les cheveux, quel est l'intérêt, quoi? Non, mais c'est amusant. Enfin, je le fais pas tout le temps après, mais voilà, après c'est kiffant. T'sais, après, tu peux coiffer la meuf et tout, on dirait du gel. Non, mais attends, mais du gel alors, hein, ce sera plus facile. Non, mais je comprends, ouais, parce bon, qu'après, je... si la meuf elle avale pas, faut bien mettre le sperme quelque part. Ben voilà, c'est ça. Ben tu mets ça, chez ta mère, t'as... je sais pas moi. Ah bah non, ça va pas ou quoi. Mais non, mais façon de parler. Attends, tu t'imagines quoi. Non, mais façon de parler. C'est pas une façon de parler, tu mets ça chez ta mère. Comment tu veux trouver ça une façon de parler? Ben c'est une façon de parler. Mais non, tu peux, non, peux tu pas. Mets là, tu mets ça dans ta main, tu mets ça dans, ton, dans ta chaussette, tu mets ça. Ouais, là, mais c'est mieux n'importe là. N'importe où, si vous m'emmerdez. Mais là, tu mets ça dans ta mère, ben le mec. Tu dis chez ta mère. Oui, mais c'est. Non, mais il y a une différence entre chez et dans, si je peux me permettre. C'est vrai. Bon, nous sommes d'accord, très bien. Donc voilà. Bon, toi, ton kiff, c'est les cheveux. Bon, pourquoi pas. Mina, tu tombes sur un mec génial, ouais. L'homme de ta vie. Et là, bam, il dit qu'en fait, il veut t'éjaculer dans tes cheveux. Ouais, bah, bam, bonne nuit, il en est hors de question. Non, mais en règle générale, il va pas te le dire, il va le faire. Mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais attends, tu quand même. Dans le truc. Ouais. Non, tu poses la question. Imagine, genre, il est en levrette et là, tu vois pas, forcément. Et là, papa, il met tout le merdier dans les cheveux. Ouais, bah ça va être un gros merdier après. Non, franchement, sans rigoler, il va y avoir un énorme scandale. Vraiment, une très très grosse affaire. Non, oh, c'est sérieux. Bon, non, essaye un peu pour voir quelle est la hauteur du scandale. Bah vas-y, alors là, prudhomme, machin, tout ce que tu veux. Oh, ah, bah, alors là, j'avais oublié. C'est mon employé, toi. Mais c'est pareil. C'est pareil, bah non. Prudhomme. C'est ton collègue. Oui, j'appelle la garde nationale. Bah oui. C'est ça, l'armée, hein. Valls, Manuel Valls à mon aide. J'appelle les GI américains. Au moins ça. Non, attends, ça va. À quoi ça sert? Non, mais que, ça c'est notre question, ça. Bah oui, à quoi ça sert de porter plainte? Merde. Ouais, non, voilà, par respecte exemple. Un peu l'artiste. C'est sale, si tu veux te coiffer, tu prends de la cire et basta. Jean-Louis David, attends, ça va. Voilà, t'as vu ça? C'est-à-dire que les gens, tu leur proposes des produits naturels, des trucs que t'as fait avec amour, machin. Non, il faut des trucs chimiques. Non, attention, il y a une différence entre s'essuyer et éjaculer sciemment dans les cheveux. Oui. S'essuyer, il reste un peu de truc, tu prends les cheveux, tu t'essuies. Attention. Je vais mourir. C'est pas y aller sciemment, faire ce... comme l'autre, là, je pense qu'il a payé, le soleil a dû lui taper sur la tête, là, pour dire qu'il va lui faire. Peut-être, lui faire à Toulouse, il y a beaucoup de soleil, hein, donc. Il va lui faire une coupe de cheveux. Enfin, c'est ton avis, en tout cas, qu'on respecte, surtout Amina, qui le respecte, évidemment. Ah, je respecte ton avis. Tout à fait. Et encore plus ta copine, parce qu'elle a bien du courage. Ah, ça, c'est une chose certaine. Ouais, Amina, elle aime bien. Ah, bah, visiblement. Enfin, calme-toi, par contre. Visiblement. Bon, Romy, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ouais, de rien. Salut à toi, Romy. On aura Melvin dans quelques secondes, on aura Chris pour le jeu du Partons pas fâché. Et puis on va se faire ça juste après le son de Cib. Il est 2h15, c'est Mickaël sur Énergie. On est là tranquille jusqu'à 4h du mat, comme toutes les nuits et le dimanche également de 20h à minuit. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Don't try, baby, just please don't try. tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Energy. Tiens, tiens, tiens, le son de 21 Pilots va arriver. Et je rappelle que s'il y a Gnash derrière, ça veut dire que c'est le double hit. Ça veut dire que je vous offre soit les places pour le concert de 21 Pilots à Paris avec Energy, soit je vous offre l'iPhone 7. Il faudra envoyer M-I-K-L espace double et votre numéro de téléphone au 612 si et seulement si vous entendez les deux sons enchaînés. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir. Une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Et il y a un message de Madison qui dit: perso, j'ai une belle cambrure et plutôt que sur mon visage, je préfère qu'un homme me jouisse sur mon dos. Oui, c'est plus facile à nettoyer. Bah oui. Oui, c'est beaucoup plus simple. Non mais c'est vrai. Je suis d'accord. Tant qu'à faire, si le mec est obsédé, veut absolument éjaculer à l'extérieur du vagin, oui, évidemment. Valentine sur le Twitter qui dit: dans les cheveux, sans déconner, il sait combien de temps ça prend pour lisser les cheveux, il est bizarre lui. Je suis d'accord. Ouais, déjà c'est la galère. Ouais. Salut, c'est Mytho, des grumeaux et pourquoi pas des stalactites, c'est Karim du 31. Bah visiblement c'est possible puisque toi on a déjà eu des grumeaux. Non, ah, si, ouais, si, c'est si, relatif si, en parlant si, de grumeaux, hein, on n'est pas en train de faire des crêpes. Hein. Mais voilà, mais... branle-toi dans ton bain et tu verras qu'après le sperme a une texture bizarre. Voilà, ça fait des petites boules. Salut, c'est Sam du 40, je suis dans la rue, je vous écoute tout le temps, trop fort, continue comme ça, j'espère que tu vas lire mon message. Bah écoute, avec plaisir, Sam, merci à toi pour le message. Et Louis qui dit: moi j'éjacule sur Seba. Eh bah écoute, c'est tout, hein. Merci Louis. Surtout n'hésite pas. Oh merde. Je rappelle que c'est Seba au standard, je l'ai noté hein, depuis tout à l'heure. Alias l'Espagnol, alias le Parasite, alias Alès, alias Tartuffe, que vous pouvez évidemment appeler au 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct dans l'émission. Chris est avec nous maintenant pour le jeu du partons pas fâché. Salut Chris. Salut les gars. Ça va? Comment ça va? Bah écoute, plutôt pas mal, et toi? Ouais, bah écoute, je suis en train de travailler là. Bon bah écoute, ça s'entend pas, je te rassure. Non, non, pas du tout. Non, vraiment non, pas. Mais j'ai fini, ça y est, je suis en train de... En plus, ils sont chargés, là, je suis tombé. Ah ouais, non, ouais. Mais t'inquiète pas, ça s'entend pas du tout, là, vraiment nickel, quoi. Vraiment ah, c'est nickel. Les bouteilles, ça va, c'est un bon bruit, c'est des Mais bouteilles. Quelles bouteilles, c'est, comment ça, c'est des bouteilles? Bah, je livre les caves, quoi. Ah ouais. Ouais, bah, on écoute. Livre de nuit, donc la journée, on peut pas... T'as quoi à vendre? T'as quoi à dealer, là, comme bouteille? Alors, il y a de tout. Genre. Il y a des bulles, il y a 100 bulles, il y a tout ce que tu veux. Il y a des bulles comme ça. Ah, sympa. Oui, comme ça. Ah bah d'accord. C'est sympa comme tu dis. Très bien. Bon, on va faire le jeu du partons pas fâché maintenant. Le principe est, bon, ma foi, très simple, hein, j'ai envie de dire. Bah, tu vas devoir tout simplement affronter l'un d'entre nous dans l'émission. Il y a Toff, il y a Polo, il y a Amina, il y a Seba au standard qui va se mettre en jeu aussi. Hein. Du coup, tu vas devoir l'affronter. Le jeu du partant pas fâché, c'est simple. On va appeler des gens au hasard. Il va falloir avoir un dialogue de rupture, comme si la personne qui va décrocher, garçon ou fille, on sait pas, était ton copain, ouais, ou ta copine, avec qui t'es en train de rompre. D'accord? Pas de souci. Bon. Ouais, je connais un peu le jeu. Non, mais je rappelle pour les nouveaux qui viennent de débarquer. Par contre, faut vraiment te mettre dans un endroit où il y a pas de bruit pendant le jeu, Chris, parce que là, avec tous les bruits, c'est insupportable. Ouais, je vais me mettre dans le camion. J'ai livré, c'est bon. Ah bah nickel. Tu veux affronter qui? Ouais, dis-moi, Chris. C'est qui le plus nul? Ah bah c'est Toff, hein. Enfin après je... Non, c'est ce que j'allais dire. Seba n'a pas encore joué et je crois qu'Amina non plus à ce jeu là. Donc si, pour l'instant, pour l'instant de ceux qui ont joué, effectivement Toff est le plus merdique. Non mais aux filles, si je prends Amina, c'est mort. Les gens vont, ouais, c'est pour ça moi je te recommande Seba. Je pense que tu peux c'est gentil. Tu peux gagner assez facilement, je pense. Allez, vas-y, on va essayer que c'est bon, il a jamais joué, allez. Ah bah, très bien. Allez, c'est parti. Chris, tu commences ou comment ça se passe? Non, fais-le commencer. Eh bah, très bien, parfait. Donc... Il prend sa respiration et tout, il est mignon. C'est bas, pas de je t'emmerde. Voilà, c'est ça, c'est pas le jeu. Hein. Non, le but, c'est la rupture quand même. Voilà, non, mais justement, c'est pour être sûr. Et Toff, il se marre déjà. Bon, bah, c'est ça. Mais je suis sûr que ça va être un grand moment. Bon, allez, putain, le pire. Je pense que la radio a rêvé de ce moment. Ouais, mais le pire, c'est que Toff est content parce que pour une fois, il va peut-être trouver plus mauvais que lui. Et du coup, il va plus avoir la palme de la médiocrité. Non, c'est pas vrai parce que moi, je suis volé dans ce jeu, c'est pas pareil. C'est ça. Alors, je suis meilleur. On appelle au Canada. Ouais, toujours au Canada, ouais, parce que c'est là qu'il y a le plus de chances que ça décroche, hein, même si depuis que Seba fait le standard, on s'est rendu compte que cette théorie n'est plus vraiment vraie, mais enfin bon. Allez, on y va, c'est parti, Chris, je te mets de côté, c'est Seba qui va commencer, à ta demande d'ailleurs, c'est parti. Allez, on est à l'aise là. Complètement. C'est celui qui tient le plus longtemps, je tiens à le rappeler. enfin si ça décroche. Oui. C'est mal barré. Ouais. Allez. Il a des pénalités si ça décroche pas. Non. Bon, je pense qu'on va dans le cul celui-là. Bon, allez hop, on enchaîne. On va faire un autre, c'est pas grave. Ça peut arriver, hein. Là, c'est quand même pas de chance. Allô ? Oui, bonjour. Tu vas bien ? Oui. Voilà, ça, je sais que c'est pas évident. Faut que ça cesse entre nous. T'es pas la seule coupable. Ta mère, cette connasse, aussi, a fait beaucoup pour que ça arrive. J'ai dur en ce moment parce que c'est dur pour moi aussi. Mais je veux pas qu'on parte fâché. Voilà, je te le dis. Donc, le prends pas mal, hein. Je t'ai dit, c'est pas de ta faute. Ta mère m'en a fait voir toutes les couleurs avec cette histoire de chien et le poisson rouge. Et donc voilà, je sais pas comment te le dire autrement que par téléphone, j'ai pas osé. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à me dire par rapport à tout ça, mais surtout ne partons pas fâchés. C'est l'essentiel. Tu comprends ? Ah oui, oui, je comprends. Pardon ? Ah, raccroché. 48 secondes. Qu'il 48 secondes, qu'il est mauvais. Et donc, tu es dur. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai dur. Je l'ai joué sur l'émotion. C'est, non, il est venu avec son pote. Et, il est venu avec son pote dur. Oh putain, qu'il est mauvais. Putain. Bon, enfin, malgré tout, il a fait 48 secondes. Non, on a beau dire ce qu'on a beau dire. Qu'on a même dire. La meuf de l'autre côté était morte de rire. J'avoue. Bon, Chris. Oui. Bon, 48 secondes, score à battre. Bah écoute, on va essayer. Hein. Bah écoute, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, bonne chance à toi. Vas-y. 48 secondes, ça va, c'est gérable. C'est chaud, mais c'est gérable. Wario. Oui, allô. Ah, oui, bonsoir. Oui. Il tombe sur, écoute, un mec déjà. Ne raccroche pas, ça va pas du tout. Je gère très très mal ce que je vais te dire. Donc, je voudrais vraiment qu'on ne parte pas fâché. Écoute, ça va plus du tout. J'arrête pas de penser à toi. Fallait que je te le dise. Voilà, j'aimerais mettre un terme à notre relation parce que, alors, je vais t'expliquer. Il y a plusieurs points à régler. C'est que déjà au lit, ça va pas du tout. Les sorties, c'est tout le temps moi qui paye. Donc, j'en peux plus. Là, je suis vraiment à bout. J'en ai les larmes aux yeux. Donc voilà, j'aimerais te le dire encore une fois, je préfère qu'on en arrête là. Et puis je te souhaite une très bonne continuation, je te souhaite l'amour de trouver l'amour de ta vie. J'en ai encore les larmes aux yeux à te dire, mais bon, vraiment je voudrais que... Ben, comment pas... vous êtes pompé de numéro ? Ah non, du tout, c'est toi, je me souviens très très bien, ta voix, j'en ai les palpitations encore, je reconnais ta voix. Arrête, ne me dis pas que je me suis trompé de numéro, c'est pas possible. C'est très très lâche. Ben, moi je suis monsieur Leblanc. Oui, c'est et ça. Hop là, juste et hop là. Et voilà, et une minute. Bravo, Chris. Ça, c'est parce que t'as dur en ce moment. Bravo Chris. Et ben voilà, Seba dit l'espagnol, dit le parasite, dit à l'aise, dit Tartuffe. À sa première défaite à son actif. Oh, mais ouais. Il est trop insultant, Seba aussi. Il est 25, hein, ta mère. Ouais, mais voilà. Bon, après, pour le coup, il s'est mis des difficultés complètement idiotes. Mais il les a mises. Bon, bah, voilà, vrai. Écoute. Bon, bah, Chris. 46 secondes, c'est pas négligeable. C'est vrai, non, bah oui, clairement. C'est pas bon, négligeable. Bravo, ouais. En tout cas, Chris. Il a eu dur. Il a eu dur, ouais. Salut, Chris. Il et puis, tu dur. Restes au standard, on va prendre tes coordonnées. Vas-y, pas de soucis, les gars. Merci. Salut, hein, merci avec toi. Hein, salut, avec plaisir. Et tu pense à bien épeler chaque lettre. Hein, évidemment, c'est oui, c'est très important. On sait jamais. Melvin, Romu et Virgin Eye from the 5-9 Motherfucker qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, le son de 21 Pilots, c'est l'iPhone 7 ou les places de concert pour 21 Pilots à gagner. Si vous entendez Gnash derrière ce son, il faut envoyer Michael espace double, puisque c'est le double 8, espace votre numéro au 6-11-12. Bonne chance. I just wanna stay in the sun. Where I find, I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Ooh. spend my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. C'était le son de 21 Pilots à l'instant. Et donc double hit, vous connaissez le principe. Pour gagner l'iPhone 7 ou les places pour le concert de 21 Pilots à Paris avec Energy. Si vous entendez le son de Gnash là derrière maintenant, faut envoyer Mickaël espace double et son numéro au 612. Est-ce qu'on met justement le son de Gnash, Tof? Mais oui, mais oui, ouais. Mais oui. Amina, on met le son de Gnash ou pas pour faire le double hit? Moi je suis d'accord. Bon, Polo, on met le double hit ou pas? Bien sûr que non. Quel connard. Patrick Leic, pas de cadeau. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. C'est vraiment un connard. C'est à cause de lui qu'on foire toujours. Hein. Non mais c'est vrai. Ouais, il est pas cool, il est pas cool. Vous l'insultez, hein. En même temps, vous êtes bête, hein. Si je puis me permettre, ceux qui ont envoyé double déjà, ceux qui ont envoyé Mickaël espace double, j'ai dit envoyez à partir du moment où le deuxième son démarre. Pas le premier, ça sert à rien, parce que quand il y en a un des deux, ça marche pas. Donc, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vous dise, moi. Oh là là là là là là. Bon, bah tant pis, vous rejouerez, peut-être tout à l'heure, hein. Peut-être chez Manu tout à l'heure, aussi, c'est possible. Ou peut-être chez Cash, ou chez Double. Double F, hein, justement, pas le double 8. Enfin, si, mais bon, bref. Aussi, ouais. Voilà, ou peut-être chez Koé, ou chez Guillaume, ou peut-être chez nous demain soir. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, restez bien à l'écoute, puisque l'iPhone 7 à gagner, c'est quand même un petit cadeau sympa à 800 balles. Ou les places pour le concert de 21 Pilots avec Energy, si vous entendez donc le double 8, c'est-à-dire 21 Pilots et le son de Gnash. Bonne chance, tout le monde. Toutes les infos, évidemment, sont sur energy.fr. Si vous voulez voir comment ça marche, on se fait les appels mal intentionnés, les derniers de la soirée. Allons-y. Enfin, l'avant-dernier de la soirée, plutôt. Il y en aura encore d'autres dans leur sub tout à l'heure. Et donc, toujours sur, c'était Jacques Facial, hein. 20% des filles l'acceptent volontiers alors que 35% continuent de trouver ça dégradant. J'aurais bien posé la question à Seba au standard, mais j'ai appris que visiblement il était obligé de boire afin de tenter de baiser des meufs. Donc c'est ce que Polo m'a dit. Hein. C'est ah, pas si. Vrai. Ah si, apparemment vous avez été boire un verre, t'avais une occasion et Topolo m'a dit l'espagnol m'a dit qu'il devait boire encore pour essayer quelque chose. Donc j'en déduis que c'est parce que t'as peut-être un côté homosexuel et ce n'est pas grave. Et que du coup t'es obligé de cuver afin d'oublier ça quoi. C'est pas vrai. Bah. C'est ce que tu m'as dit. Donc Polo est un menteur. J'ai dit. Donc Polo est un menteur. Oui, ça facilitait les choses. Mec, tu m'as dit. Bien. Comment on était là, tu m'as dit putain j'aurais dû. Ah oh, j'aurais bu un peu plus, j'aurais pu essayer de pêcher l'autre meuf là-bas. Hein? Mais c'est ce que tu m'as dit, chacal. Bah, j'avais déjà trop bu. C'est parce que tu avais dur. Mais il avait non, dur. Non, ouais. Mais écoute, c'est pas vrai. Ça facilite les choses. On va pas se voir la face quand même. Ouais, ça facilite les choses quand t'es effectivement gay, t'es bourré. Du coup, t'oublies que. Évite de parler de voile en ce moment, c'est un peu tendu. Ouais, tu vois. Voilà, t'oublies quoi. Mais c'est pas vrai, grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Ah, bah ok, écoute. Non, moi après, je remarque juste que ce que Polo me dit, c'est tout. Hein. Si tu dis que t'es un menteur, à ce moment-là, d'accord, ok, pas de problème. Bon, du coup, Tof, tu as vérifié ? Allons-y. Tu veux demander à tes amis s'ils ont déjà testé la pratique ? Bah oui. Allez, on y va, grâce au numéro que vous envoyez. C'est comme tous les soirs sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. De préférence, des gens un peu nerveux. Ami ou ennemi, ça restera anonyme, rassurez-vous, on ne dira pas qui nous a donné le numéro. Jamais. Comme d'hab. Oui, allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous pratiquez l'éjaculation faciale, madame. Éjaculation faciale ? Oui, c'est ça. Dans votre gueule ? Hein ? Non, sur la vôtre. Voilà. Est-ce que vous non, êtes... dans la vôtre, gueule. Oh. Allez, pauvre con, bah, t'as ça à foutre ? Bah oui, sinon je vous appellerai pas, madame. Ah, allô ? Elle a raccroché. Bon, elle a raccroché. C'est pas grave, on rappelle. Allô ? Oui, je m'excuse, mais on a été coupé. Oui. Oui ? Parce qu'en fait, vous m'avez pas dit si... Attends, je me suis perdu. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, mais j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Je voulais savoir si vous aimiez lui jouir sur le visage. Non, mais il veut pas répondre, il raccroche aussi. Bon, allez, encore une fois, après, tant pis. Hein. Moi, je crois qu'il allait s'occuper de moi. Bah oui, visiblement, mais... Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben rien, je voulais savoir si vous aimiez jouir sur le visage de votre femme, monsieur. Est-ce que toi, tu veux que je t'éjacule dans la gueule ? Ben non, pourquoi vous voulez faire ça, monsieur ? On se connaît pas. Ben après, tu me poses la question, alors. Ben parce qu'avec votre femme, vous vous connaissez. Est-ce que ta femme a qu'à te répondre ? Ben non, mais vous êtes intime avec votre femme, monsieur, donc peut-être que vous aimez faire ça. Ben ouais, je suis intime avec elle, mais pas avec toi. Pourquoi tu me poses des questions ? Ça te regarde en rien du tout. Ben c'est pour avoir la réponse. Si tu veux savoir si j'aime bien éjaculer dans son visage, t'as qu'à venir quand je la baise et tu verras bien. Ah bon, c'est vrai, je peux venir regarder ? Ouais, y'a pas de soucis, tu viens. Hein. Moi, je vais t'attacher sur une chaise avec un masque à gaz et après, t'auras les yeux pour voir. Ah bah non, enfin non, monsieur. Enfin, moi, je veux pas être attaché sur une chaise, monsieur. Enfin, pourquoi vous voulez faire ça ? Ah, mais moi, je suis sadomaso, mon pote. Hein. Ah bah oui, mais enfin, moi, pas du tout, monsieur. Moi, je pratique pas ça. Ah non, moi, je parle pas de ça au téléphone. Si tu veux voir en vrai, tu viens, t'auras ta réponse. Ah bon, bon, d'accord. Bon, bah, je suis déçu, hein, monsieur. Ah bah, y'a pas de soucis. Bon, on souhaite une bonne soirée quand même, on se fait des poutous. Mais toi, t'aimes bien éjaculer sur le visage de ta femme ? Ah, je sais pas, monsieur, moi j'ai jamais fait. Parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles. Non, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah bah, éjacule sur le visage à maman, alors peut-être qu'elle va dire si elle aime ça ou pas. Oh non, monsieur, non, enfin pas sur le visage à maman, enfin ça se fait pas. Bah si, t'as bien donné sur les maternelles. Bah oui, mais. Pas tomber à toi. Bah c'était pour me nourrir ça monsieur, elle va, enfin ça se fait pas monsieur. Ah oui, bah, t'as nourri quand t'étais bébé, maintenant qu'elle est vieille, ça t'a bien nourri non ? Oh c'est non. Comme ça que ça marche. Non, dites pas ça monsieur, ça se fait pas. Ah bah si. Oh non monsieur. Et non. Sinon, comment va Mickaël ? Je sais pas, j'espère qu'il va bien. Ah ok. C'est bon. Pas Tof là, téléphone ? Si, je m'appelle Tof monsieur. Ah tu travailles chez Energie ? Ah non pas du tout, moi je suis chômeur monsieur. Ah si. Ah non non non. Moi, je suis chômeur. Mais non. Mais non. Mais si, et Polo, il est où ? Il est là ou pas ? Ah non, non, il est pas là. C'est qui, Polo ? Bah, allez, arrête tes conneries, s'il te plaît. Je crois que je connais pas le jeu ou quoi ? Bon, bah, une bonne soirée, alors. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Eh ben, voilà. Ouais. Eh ben, voilà. Start of the Oh là là, crier ouais. le victime du succès, hein. Qu'est-ce que c'est... Ouais, je peux plus rien faire, là. Oh, bah, c'est dramatique, c'est dramatique. Si, tu peux refaire ta gueule, ouais. Au passage. C'est une idée, ouais. Bah non, là, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai aussi. Bon, si vous avez l'autre numéro, hein, vous envoyez ça sur toph@energie.com. Pas plus compliqué que ça. 2h37, on est sur Énergie, on est au cœur de la nuit sans pub et on écoute Julian Peretta, on récupère Virginie Lussac 9 après. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean salt water. We make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Ken Jones arrive, il y aura le polo show aussi dans moins d'un quart d'heure. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Énergie. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Et un message qui dit merci pour le bracelet Fitbit de la semaine dernière. Bah écoute, avec plaisir. Polo enculé, ce chien de la casse. Eh ben le message est passé. Et David qui dit à ceux qui. Attends, c'est quoi ? À ce que j'entends, vous êtes les amis de beaucoup de routiers, vous déchirez dédicace aux routiers nantais. Eh ben on embrasse tout le monde, nous, il n'y a pas de problème, vous êtes tous les bienvenus. Et avant de se faire le polo show, justement, on a Virginie du Sac Neuf. Hello, Virginie from the 5-9, motherfucker. Coucou. Ça va ou quoi? Ça va bien. Ça va, tranquille, tranquille. Tranquille. What's up, brun ou brun? Bah, que dalle. Bah alors, bah, brun ou brun? Bah, en vérité, je comprends là ce que tu dis. Bah, t'es brun ou t'es pas brun? Ça va, bah, ouais, allez. Eh, hey, va te faire enculer, gros bâtard. Oh là là. Va te faire enculer, gros bâtard. Non, c'est fini tout ça. Bon, mais non, c'est pas fini. Comment ça, c'est fini tout ça? Bah, Virginie, elle est amoureuse, hein. Oh, quoi? Putain, manquait plus que ça, fait chier, quoi. Bah, non, il y a pas de qui? Y a pas de. Pas de quelqu'un. Est-ce que c'est humain? Bah, oui, hein, ça va, oui. C'est pas un animal? Pas, c'est non. Végétal ou c'est le même? Est-ce que c'est minéral? Et pour l'autre, t'es ton chien, enfin, je sais pas, mais bon, ton chien attend que tu te titille ou quoi là? J'ai pas compris. Il est en chien de quéquette ou quoi là? Je ne sais pas, mais cela dit, Virginie. Virginie, on s'éloigne un peu du sujet. Qui est l'heureux élu? Qui est l'élu? C'est Toff. Ah bon, on le connaît ou on le connaît pas? Non, du tout, non. Ah bon, j'ai pas connu au bataillon. Il est pompier? Parce que bon, Virginie adore les pompiers. Non. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, il est. Il fait un métier avec un uniforme? Non. Non. Est-ce qu'il a un gros nez et puis il a une peau assez abîmée? Toi, remballe tes couilles, dégage, Polo. Remballe mes couilles. Mais je parle pas avec mes couilles. Hein. Voilà. Bon, vas-y, Virginie, te laisse pas faire. Virginie du Sac Neuf, est-ce que c'est Toff? Ouais. Oh bah non, toi c'est mon chouchou, tout le monde le sait. Ah merci. Bah raison de plus, c'est pour ça que je posais la question justement. Bon, c'est qui alors le gars là? Et quoi tu, parce que tu dis à la limite que t'es amoureuse, mais lui aussi ou ouais, ou c'est en sens unique? Ah non, c'est réciproque. Hein. Oh, non, je les crois pas. Et vous allez pas vous reproduire? Eh Virginie, rassure-moi un truc. Virginie. Je te connais, ouais. Je te connais bien avec Toff, on est venu te voir. Tu le gros bâtard. Dis-moi, il n'est pas attaché dans ta cave depuis une semaine ou deux. C'est pas un mec à qui t'as attrapé dans la rue, c'est comme dans les films d'horreur, et que t'as attaché sur une chaise et que tu fais qui. Mais oui, il est amoureux de moi également. Bah non, il veut s'échapper en fait. Il est en train de ronger. Il est en train de se ronger les mains pour les couper. C'est ça. Oh Virginie, alors on peut plus rigoler. Et si on rigole plus, alors ce que tu veux, c'est que Sébastien nous invite à dîner après-demain. Et ben c'est ça. Et ben il va inviter à manger. Ben ouais. Si vous voulez, vous allez la voir. Et ben il y a Jeanne-Françoise qui dit l'autre, il se fait attacher sur des croix et a peur d'être attaché à une chaise. Quelle baltringue. C'est rapport à quoi ça? C'était à l'appel. Ah oui, je suis con, appel mal intentionné, pardon. Ouais. Bon et bon Virginie, sac neuf. Et alors quoi? Pourquoi tu nous appelles? Pour nous balancer ton amour, on en a rien à foutre, ta joie de vivre, tout ça, on préfère quand tu tires la gueule. Ah ouais, nous on préfère bien. Nous, Virginie Sacnet, c'est ça. Je jure, nous. Je suis amoureuse. Mais d'ailleurs, ouais. Mais qui est Virginie Sacnet? Eh bien, très bien. Il y a longtemps, très longtemps, sur une galaxie dirigée par des imbéciles et des incompétents, loin, très loin, sur une autre, dans une autre dimension, nous avons. Ah, c'est génial ça. J'ai l'impression d'être dans Star Wars. Nous avons rencontré Virginie du 5-9 qui est venue à nous avec un petit vaisseau spatial. Non, ça marche pas. Elle est arrivée, puis elle nous a dit, voilà, messieurs, ô grand seigneur Jedi, Polo, Toph et Miguel, est-ce que vous pouvez m'aider à faire une partie à trois avec ma grande amie Amandine. Et Taranatouille, non, c'est Amandine. Et donc, nous avons essayé de t'aider, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché, Toph? Bah, je sais pas, parce qu'elle est trop conne. Tout le talent, et donc, Toph, hein. Virginie du 59, donc, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais bon, a vécu son petit bonhomme de chemin, elle a continué à se balader dans le 59, et puis un jour, elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle voulait devenir flic. Mais la police n'a pas voulu d'elle, pourquoi, Toph? Parce qu'elle est trop petite. Merci, non, parce que c'est pas ça. Ah, parce qu'elle est trop grosse, pardon. Merci, Toph, voilà, faut donner les choses comme elles sont. Alors Virginie 59, triste par a essayé de trouver d'autres métiers, mais elle l'a pas trouvé puisqu'elle est elle est où? Je sais pas là. Je vais trouver ta place. Putain. Après avoir essayé de devenir flic, elle a essayé de draguer un mec qui était pompier, mais ça n'a pas marché. Elle est tombée amoureuse d'un mec qu'elle nous a appelé pour qu'on puisse l'aider à serrer ce mec. Ça n'a pas marché, hein, bien entendu, parce que c'est pas notre métier non plus de draguer. Et donc nous avons essayé d'aider Virginie 59, et Virginie 59 est devenue à essayer de se trouver un mec, mais le mec n'a pas voulu d'elle. Pourquoi, Toph? Parce qu'elle est trop moche. Merci, Toph. Et donc Virginie 59 a continué à se balader dans le 59, et un jour, elle a été contactée par un Béninois qui venait du Bénin. Merci, Toph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a fait le Béninois? Et ben, il a voulu l'arnaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, elle a réussi. Et ben, merci. Donc Virginie du 59. Mais t'as pas demandé pourquoi? Pourquoi il l'a arnaqué? Parce qu'elle est trop conne. Merci. Virginie du 59 attendez, quand je vais venir au studio, je vais venir vous saucer à mon tour. Tu vas nous saucer, avec ouais, quoi? Ouais, ouais, surtout toi, attention, ton bâton qui l'attend. Et donc Virginie du 59 a continué son petit bonhomme de chemin, et elle est toujours dans le 59, et puis un jour elle a appelé Mickaël en lui demandant, faisant une requête. Son rêve, c'était de venir nous voir dans le studio. Qu'avons-nous fait, moi et Toph? Nous sommes descendus dans le 59 avec notre véhicule spatial. Et qu'avons-nous fait, Toph? Eh bien, nous l'avons emmené. Et qu'est-ce que tu as dit quand tu l'as vu? Qu'est-ce qu'elle est moche! Oh! Surtout quand on a ta gueule. Et vous imaginez qu'en plus, Virginie 59, son préféré, c'est Toph. Hein. Alors que tu as un sac à merde. Nous avons emmené Virginie 59 dans le studio et c'était le plus beau jour de sa vie. Et on l'a découvert avec un bonnet en laine. Assez horrible. Et une espèce de tenue de quoi, Toph? De la DDE. De la DDE fluo. Car Virginie 59 a peur de se faire écraser. Merci, Toph. C'est bien. Et puis donc, nous l'avons ramené. Puis nous l'avons ramené en 59. Et puis depuis, nous rencontrons de temps en temps Virginie 59 qui vient nous expliquer sa vie. Et aujourd'hui, Virginie 59 est amoureuse d'un tocard. Oh, ça y est, Toph est jaloux. Voilà. Ah, Toph est jaloux. Là. Voilà, la story. Les chroniques. Ouais, il y a Christian qui. Je vais vous donner son prénom. Comment il s'appelle? T'appelles Luc. Luc? Ah, bah très bien. C'est un prénom de chien, c'est un chien ça. C'est cul aussi à l'envers. Hein. C'est pas moi, Virginie, c'est Toph. Oh, bah ça, bon, fermez vos bouches. Tu perds la tête, Virginie. Il y a Christian qui demande ce que tu penses de la faciale. Bah, comme j'ai dit à Minette tout à l'heure, enfin, paraît-il que tu sais bien, mais il faut bien choisir son partenaire, hein. C'est-à-dire voilà. Ah, il faut une grosse bite. Voilà. Il faut que, comme Toph, il ait fait des études pour voir ce qu'il a mangé avant la dernière semaine, quoi.

Virginie du 59. Ah non, c'est pas là. Polo. Ouais. Je suis ta sœur. Ah, et là, c'est moi qui vais parler, vous allez voir, ça va être bien. On va se marrer. Et moi, je suis ta mère. 01 40 71 5000, vous êtes dans le Polo Show sur Énergie. Michel à l'arrière. Ouais, alors salut. Mais, merci de m'avoir invité à Madrid, mais on s'est pas vu du week-end, donc je comprends pas comment ça se fait. Pose pas de questions, c'est normal, on l'a esquivé, espèce de con. Ouais. Non, parce que je vous ai cherché. Et personne t'a invité en même temps. Non, bah si, si, bah, je suis venu. Bah, je suis même parti un jour plus tôt pour être là, pour vous accueillir à l'aéroport. J'étais venu et tout avec des petits des chorizo, tout ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon, ok, d'accord. Ben, merci. Hola, qué tal? Muchas gracias. Super. Christophe, bon, et ton cœur, Son standard, n'hésitez pas à les appeler. Antoine, on t'écoute. Comment Stevie Wonder s'est blessé au dix doigts? Je comprends pas, Antoine, répète. Comment Stevie Wonder s'est blessé au dix doigts? Je sais pas. Il a essayé de lire une râpe au fromage. C'est nul. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Booba! Ouais, salut Polo! 0140 71 5000, on y va, vas-y, mine-toi là, où je me saluer. Dédicace à Pizzeneuve, transporté RM. Super, va t'acheter un téléphone. Nico, on y va, 01 40 71 5000. Ouais, salut Polo, ça va mieux que jeudi soir là? Vas-y, mets-toi. C'est le gros bordel dans le Polo Show. C'est là. Pas grave, on n'est pas là pour que tu nous répètes le... ce qui s'est passé jeudi soir. Avance, avance, mec, avance, on est lundi là. Ouais, ouais, je déchausse les dames bilou, un grand coup de bite encore. Parfait, ça va lui faire plaisir. Benjamin, on y va. Ouais, dédicace à tous mes viewers sur Twitch. On comprend rien. Dédicace à tous mes Weavers sur Twitch. Ça veut dire quoi ça, tes Weavers? Ben en fait, il y a des gens qui me regardent jouer sur Internet. Benjamin? Quoi? Retourne sur Internet là, sur Weaver, je sais pas quoi, la Virginie du 59. Ouais, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ben, il vous envoie des gros poutous, moi. Mais garde, mais je t'en mets les poutous. On en veut pas de tes poutous, j'en veux pas. Mais bon, je vous les envoie quand même. Eh ben, j'en veux pas. Check, on y va. Quel est le point commun entre un pédophile et un sourdoué? Dégage, pas de ça ici, pas de ça entre nous. Ah, il est là. Starguest? Ouais. C'est quoi tes espèces de trucs, là, que tu fais, là, sur je sais pas quoi, là, sur... Périscope. Sur Périscope, ouais. Ouais, c'est quoi? Bah, c'est des vidéos, c'est en live. Mais tu peux éviter de te servir de moi pour te faire mousser, là? Moi, je me sers de personne, moi, ma gueule. T'es sérieux, là? Ouais, c'est le polo, c'est comme le Polo Show, nanana, tu sais que ça n'a rien à voir. Jean-Bert Starguest, c'est un pompeur, sale taxi. Oh, bah. Nique ta mère, toi, fils de pute. Vive Uber, à bas les taxis, à bas Starguest. Hey, Polo, tu sais, j'ai trouvé un nouveau truc, là. Ah bon? Ouais, j'ai trouvé que la mère à Michel, elle était équipée, tu sais, le truc, là, truc pour détruire les stop track, là. Mais quoi? Le stop track. C'est quoi? Il sait pas ce que c'est, c'est un moment. Le truc que te détruit les ordinateurs là. Ouais. Ouais. Et la mère à Michel, elle a ça aussi. Parce que quand j'ai fini de la baiser, elle s'autodétruit la salope. Mais t'as même pas de bite! D'accord, super. 0140 71 Samuel, on y va, Fanny? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est pour dire à tous les chauffeurs et à tous les petits chauffeurs taxi là, des couilles là, ces deux chômeurs là. Ils ont tous niqué leur mère là, tous ces petits chômeurs de mes couilles là. J'en ai marre, tous ces putains de bâtards là qui viennent et qui me coupent la route. Viens se faire enculer la nuit. Roulez tranquille, y'a de la place. Fanny, tu fais quoi comme métier? Moi, je suis technicien. Technicien de quoi? Je suis technicien dans les télécoms. D'accord, et tu travailles la nuit? Ouais, je dépanne la nuit et des fois, on m'appelle la nuit pour faire des dépannages. Et à chaque fois, il y a un taxi ou un putain de chauffeur-livreur qui coupe la route. Bon. Eh ben écoute, Fanny, c'est bien. Ils ont tous niqué leur mère, hein. Ok, je pense qu'ils vont y aller. Ils vont y aller tous ensemble. Ils vont se donner la main. Antoine, on y va. 0140 71 5000. Pourquoi les femmes ont-elles un front? Je sais pas. Pour pouvoir les embrasser après une grosse pipe. Il est bon, ce mec. C'est-à-dire qu'Antoine, c'est le mec qui a toujours la même ligne. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Écoute, regardez. Antoine? Oui. On y va. Pourquoi un chat fait-il des bulles? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tiré la chasse. Charles, on t'écoute. Ok. Il a volé la 208 sur Lyon hier soir, là. Les 3 PD, là. Ouais, d'accord, c'est automophobe, faut pas dire ça, pas ici. Virginie du 59, on y va. Pas rien. C'est tout? Ouais. Allez, casse-toi. Stargaze, on y va. Ouais, moi aussi, j'ai une petite devinette, là. Tu sais pourquoi la mère à Michel, elle marche en boitant tous les jours? Non. Parce que toutes les nuits, je la baise, cette salope. Eh, hey, Starguest, faut qu'on ait une explication, t'as quel âge? Bah, j'ai 24 ans. Non, mais le vrai, c'est le faux, vrai. C'est faux, c'est un menteur! Mais moi, je t'emmerde, toi. Bah oui, mais j'ai sa gueule, sa gueule, ça ressemble à un mec de 15 ans et encore. Il a même pas un poil sur le menton. Ah ouais, bah nique ta mère. Moi, j'encule ta mère et va demander à ta mère si j'ai pas un poil. 0 1 40 71 5000, le tocard et Christophe sont standard. N'hésitez pas à les appeler. Marie, salut, ça va pas être possible. Je m'appelle pas Popo. Renaud. Ouais. Et si tu veux. Bah, c'est pour vous faire... Bah, c'est vous faire une petite dédicace et puis une dédicace à tous les chauffeurs routiers, à Pierre. Couteau sur le cul de ta mère, enculé. Voilà. D'accord, Renaud, ça va? Tout va bien? Ouais, nickel, ça se passe. T'es sûr? Ouais. Ok. Sûr. Mathieu, on y va, 0 1 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Le Tocard, Christophe au standard, Michel à l'aria. 0 1 40 71 5000. Mathieu, vas-y. Ouais, salut les gars. C'est juste pour passer une dédicace à mon taf. On peut éviter de saluer les gars, il n'y a pas les gars, je suis tout seul ici là. Ah ben, bah, salut tout seul alors. Ouais, merci, salut bien. Tout seul. Ouais, je voulais juste dire aux connards qui ont piqué le portable de Boubou, je le rentre parce qu'il en a besoin. Voilà, c'est tout. Allez, d'accord, ok, merci. Ils vont le ramener tout de suite, les mecs. Samy. C'est là, Samy. Samy. Ouais. Samy. Ouais. Et ben, mène-toi là, on est toujours là, espèce de con. On comprend rien, et dégage. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Starguest. Ouais. Ah, c'est toujours pas, on baisse la mère à Michel, on la prend par tous les trous, cette salope, hein. On la prend par missionnaire, on lui met des bites dans la bouche, dans les yeux. Super, 0140 santé, on savait, on y va, Abdel. Super, Abdel, ouais. Ouais, c'est pour dire à Fanny que c'est une grosse pute, et si elle a envie de sucer, qu'elle m'appelle. C'était pas le but de son appel, mais tu peux voir avec elle si ça l'intéresse. Antoine. Que dit un aveugle devant une poissonnerie? Je sais pas. Salut les filles. Starguest, conclusion, on se barre. Conclusion, on se barre. Ouais, tu savais pas que la mère à Michel aussi, elle adore être inondée de sperme, d'éjaculation faciale et tout? Non. Ah, elle adore ça, la salope. Elle adore lécher, tu vois, et tout. C'est son kiff, ma gueule, elle adore ça. Moi, d'accord, merci Starguest. Sur le cul de ta mère, fille de pute. Antoine, conclusion, on se barre. Bon. Quel est le point commun entre une femme et une boule de bowling? Refais, Antoine, refais. Quel est le point commun entre une femme et une boule de bowling? Je sais pas. Aucun, il y a 3-3 à remplir. Antoine, tu reviens? Oui, demain, oui. Ok, ciao Antoine, merci. T'es un enculé, tu ne peux plus dormir. Hey, toute la journée. Et voilà. Bon, allez, 3h01 du matin, restez sur Énergie, c'est l'heure sup maintenant qui continue jusqu'à 4h. Et puis, bon, on va se faire coups aussi dans quelques minutes. Toujours au cœur de la nuit sans pub, évidemment, bien entendu. Et DJ Snake avec Justin Bieber, on se l'écoute maintenant. Passez une bonne nuit tout le monde, c'est sur Énergie. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Allez, fais un effort. Ils sont là. Tu vas pas craquer. Reste. Reste. Il reste, je te dis. Tiens le coup. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien. Toutes les nuits, on reste avec l'heure sub de Mickaël sur Énergie jusqu'à 4h. Bonne nuit tout le monde, toujours Mickaël sur Énergie avec évidemment l'heure sub jusqu'à 4h du matin. Le son de soprano va arriver tout à l'heure, il y aura de Strumbellas également. Je rappelle aussi d'ailleurs, si vous voulez participer au polo show demain, parce qu'on vient de le faire, vous pouvez évidemment vous inscrire directement sur le mail de Seba au standard seba@energie.com. Laissez bien votre numéro de téléphone. On va se faire dans un instant le canular, il y aura le jeu des chips et des lettres, et puis on va se faire les appels mal intentionnés qui vont arriver dans quelques minutes. Avant ça, donc, on va, comme je le disais, accueillir Hélène. T'es toujours là, Hélène ? Oui. Alors, raconte-nous un petit peu. On a eu tout à l'heure un auditeur qui nous avait raconté une histoire bidon, mais c'est pas très grave puisqu'au final, il est arrivé la même chose, donc profitons-en. Donc, tu nous expliquais que t'as reçu déjà une photo d'un sexe turgescent, d'une bite, quoi, hein, oui. un chat. sur ton téléphone, c'est ça ? Oui. Mais c'était qui c'est le mec qui t'a envoyé ça ? En fait, j'avais rencontré un gars sur Instagram et on s'était ajouté sur Snapchat. Ouais. Et ah, donc vous rencontrez sur Insta et puis après vous vous ajoutez sur Snap. Et vous discutez sur Facebook. Bien sûr, évidemment. Non, mais on parlait sur Snapchat du coup, mais ça faisait longtemps qu'on parlait. Enfin, j'ai trouvé super gentil. Vous parlez sur Snapchat ? Oui. D'accord. C'est pas fait pour plus pour. Bah, c'est pour les vidéos, photos, mais bon. Des petites vidéos Snap ? Oui, voilà. Parce qu'il y a Amina qui te regarde comme si c'était un extraterrestre, Polo. Non, mais tu peux envoyer des messages. Non, mais oui, je sais, mais à la base, c'est la photo, c'est la vidéo. C'est la photo la photo qui disparaît. La vidéo instantanée. Non, la photo. Les deux. Ouais, c'est vrai, les deux, ouais, c'est vrai. Puis après, tout a évolué, mais c'est comme tous les autres. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un débat sur les réseaux. Et donc, du coup, Hélène. Et du coup, un soir, j'ai reçu une vidéo. Et en fait, il ne m'avait jamais envoyé de vidéo. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et tout de suite après, je ne sais pas si vous voyez sur Snapchat, mais il y a un icône bleu qui apparaît quand il y a une discussion. Évidemment. Voilà. Et bah, tout de suite après, il y a l'icône bleu qui apparaît. Donc j'ai glissé, j'avais pas encore ouvert la vidéo. Et il m'a dit, non, c'est pas pour toi, je me suis trompé. Il a dit comme ça. Enfin, non, c'est le mec qui a dit ça. Non, mais bien sûr. Attends, hey, franchement, moi je reçois une vidéo. Et je vois le mec qui dit, non, c'est pas pour toi, ne l'ouvre pas. Mais attends, si tu peux être sûr, je sois en dessus. Ah, bah, attends. Non, c'est évident. Mais c'est la curiosité, oui, c'est comme ça. Bon, bref, tu l'as ouverte et quoi, il y avait sa bite, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Oh. C'était un petit zizi ou c'est une bite ? Et attends, mais ça dépend. Est-ce qu'il bandait ou est-ce qu'il était au repos ? Ah oui, il était en train de se procurer du plaisir. Oui, il se branlait, quoi. Ça, on dirait qu'on a la petite soeur d'Amina. Oui, bah. Au téléphone, il se procurait du plaisir. Bah oui, mais bon, c'est gênant. Bah, c'est gênant, oh, c'est une bite. C'est une branlette. Hein. T'en as déjà vu des bites ? Non mais d'accord, mais c'est pas fait pour envoyer comme ça aux T'as gens. T'as vu, elle répond pas. Hein. T'en as déjà vu des bites. Vite dans des livres d'histoire, scientifiques, tout ça. Attends, tu veux que je t'envoie une sur Snap. Essaye, tu verras. T'auras des nouvelles. Ça va se finir. Exactement. Chez les flics. On connaissait un mec, il a fait ça un jour. En fait, le téléphone de Toff était en train de traîner sur un bureau. Il a pris le téléphone de Toff. En fait, il a photographié sa bite et il l'a laissé. Et Toff, ce qu'a fait Toff. Et ce mongol de Toff l'a laissé. Il l'a gardé. En fait, il l'a mis au. Tu sais, le prénom du mec. Quand le mec l'appelait, en fait, il y avait la bite du mec qui sortait. Quelle horreur. Une histoire vraie à tout ça. Une histoire vraie. Honte. Quand le mec m'appelle, j'ai sa bite. Mais bah, il t'appelle plus maintenant. Non, il m'appelle plus. Voilà. C'est un moment d'ailleurs. Bah, non, mais il a rien à te demander. Donc, il t'appellera plus. Bon, bref. Et donc, du coup, Hélène, alors quoi ? Tu lui as dit quoi à ce mec ? Bah, je l'ai viré, je lui ai dit, dégage. Oh. Ouais, mais bon, après, t'as des mecs qui sont un peu cons, hein, et qui sont persuadés. Autant une meuf qui t'envoie, j'en sais rien, moi, ses seins ou en petite tenue, bah, forcément, 99%, sauf s'il est gay, des mecs, ça va forcément les exciter. Ah ouais. Et il y a des mecs qui sont persuadés que des filles, quand elles vont voir une bite, ça va les exciter. Bah, non. C'est vrai, hein. C'est exactement ça. Non, mais voilà, c'est juste que c'est ça. Les filles, les mecs, ne marchent pas de la même manière, surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a que l'homme qui a deux cerveaux. Non mais c'est vrai, hein. Il en a un à la bonne place et l'autre dans sa bite. Mais c'est vrai. Bah oui. Non mais voilà, le c'est le désespoir d'Amina. Hein. Mais exactement. Non mais c'est vrai. Après ça dépend. Je sais qu'il y a certaines filles qui aiment bien, tu vois, les photos, machin. Ah, je vous coupe. Attends, excuse-moi. Tu parles de cerveau, mais par exemple, notre ami l'Espagnol, il n'en a aucun. Ah oui, c'est bas au standard. Ni dans la tête. C'est vrai, c'est vrai. Non mais on peut revenir. Vas-y, Amina. Ouais, non, j'ai une copine par exemple qui s'amuse à se chauffer un peu avec des mecs, envoyer des photos et tout, mais c'est leur délire à eux, tu vois. Non mais quand tu fais la démarche de chauffer, oui, voilà. Mais j'avais vu dans Shameless la série. Je sais pas si vous l'avez vu, la version américaine. Peut-être que dans l'anglais c'est la même chose. T'as un moment un mec qui doit prendre une décision et il fait non bon écoute je vais réfléchir, je te dirai ça plus tard parce que je suis en train de bander comme un phoque, je sais plus l'expression qu'il avait sortie. Et effectivement tu ne peux pas réfléchir correctement, un mec ne peut pas prendre de décision sur une relation sexuelle ou n'importe quoi si effectivement il a la goule, parce que ça veut dire qu'il est intéressé et qu'il va pas réfléchir comme il faut, comme il devrait réfléchir. Mais ils avaient fait des tests hein. plus la meuf a des gros seins, plus les mecs signent facilement un contrat. C'est véridique, hein. c'est une vraie étude. C'est dangereux, c'est une sorte de démence, tu vois, faut se faire mais soigner. Mais oui, non, mais c'est la nature, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Calmer, enfin, Non, mais après, t'as des levels, t'as des niveaux, hein. Non, mais t'as des niveaux. Tous les mecs sont pas au même niveau. Et il y avait un autre truc, c'était. Par exemple, tu peux y avoir n'importe quoi. Tu montes tes seins là maintenant, tu as ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est normal. Sauf qu'il a rien. Mais j'ai rien à te donner. Son portefeuille est vide, tout est. Mais je te dirais quand même que je te le donnerai. Je rappelle qu'il s'est fait virer de chez LCL pour aller chez Nickel. Et on est très bien chez Nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, et les hauts talons aussi dans les bars. C'est-à-dire qu'une meuf qui a des hauts talons sera plus facilement draguée qu'une meuf qui a des talons plats. Alors, si elle a des hauts talons et une paire de boobs. Qu'elle est nue et compagnie. Si elle est des ballerines. Ballerine, c'est rédhibitoire. C'est horrible. Ballerine, il faut bannir ça, c'est dégueulasse. Une bombe de meuf, ballerine ou pas, je la baise, moi. Oui, mais. Oh, pardon, Amir, j'avais oublié qu'on l'a dit. À chaque fois, je dis un truc. C'est ça.